1971, c'est le groupement de recherche 19, puis laboratoire propre au CNRS sous le numéro 17, objet d'une convention avec l'école des hautes études en sciences sociales en 1984, c'est-à-dire au moment où est créée cette école, à partir de son émanation, 6e section des hautes études. C'est pourquoi cette deuxième journée de travail, aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de l'EHESS. Comme telle, elle bénéficie du soutien de l'école et par ailleurs, complémentairement, du conseil scientifique du campus Condorcet. L'objet de cette journée est de faire un premier point sur le travail biographique engagé diversement sur 6 membres pionniers du groupe de sociologie des religions, le GSR, Gabriel Lebras, Henri Desroches, Émile Poulat, François-André Isambert, Jacques Maître et Jean Segui. Comme l'indique le chapeau programme rédigé par Pierre Lassave, nous avons affaire, je le cite, à autant d'itinéraires savants issus de la refondation de la sociologie française après la Seconde Guerre mondiale. Des chemins marqués à l'origine par la reformulation sociologique de l'objet religieux, puis qui ont suivi chacun leur propre ligne de pente. L'héritage multiple qu'ils laissent aujourd'hui, notamment à travers la revue Archives de sciences sociales et religions, interroge autant leur communauté que leur disparité de destin. Leur approche biographique vise non seulement à associer les vies et les œuvres dans des contextes politiques et académiques évolutifs, qu'à expliquer les rapports d'affiliation et de confrontation entre les biographes et leurs sujets. Réflexion qui peut manquer de rencontrer celle sur les sources, de type divers, orales et textuelles, publiques et privées, qui forment la matière des reconstructions narratives. La journée de travail d'aujourd'hui, dont on aura compris qu'elle n'est que la partie d'un cycle, s'inscrit plus largement dans le cadre des travaux entrepris sous la direction de Pierre Lassave par le Centre d'études en sciences sociales du religieux, le CESOR, dont nous allons fêter bientôt le premier anniversaire, un travail sur l'histoire des sciences sociales du religieux sous forme de séminaire appelé à se développer à l'avenir avec les partenaires de la communauté universitaire Paris Sciences et Lettres, PSL, spécialement du côté de la 5e section de l'école pratique des hautes études. En 2015-2016, le programme est justement consacré au cycle biographique qui nous intéresse aujourd'hui, avec une séance qui a déjà eu lieu le 18 novembre qui a été consacrée à Serge Bonnet, puis deux autres à venir consacrés respectivement à Émile Poulat le 14 janvier, à Roger Bastide et Henri Desroches le 4 mai, et enfin, le 1er juin 2016, un retour sur la question du bon usage des archives en sciences sociales. Au-delà, le projet Archives du GSR et le cycle Histoire des sciences sociales du religieux a vocation à la constitution et au traitement documentaire de fond, d'où notre présence ici, mais aussi à déboucher sur des publications, entre autres un dossier thématique des archives de sciences sociales et religieuses sur l'œuvre d'Émile Poulat et les biographies croisées au centre de cette journée. Nous avons aujourd'hui un programme original, objet d'une expérience hors pair de biographes différents qui rencontrent ensemble des biographes différents, dont la finalité est de saisir des parcours de vie et des postures disciplinaires se mettant en jeu réciproquement. Autant d'hommes, autant de parcours, autant de biographes, autant de questions. Nous allons commencer dans un instant avec Gabriel Lebras, sous-intitulé « Sociologue malgré lui », en laissant la parole à Yann Potin. Ensuite, après une pause, nous enchaînerons sur Émile Poulat, perçu sous la rubrique « L'institution au cœur ». Jean Segui ensuite. Alors, l'institution au cœur, Émile Poulat, avec l'intervention d'Yvon Trindouez. Ensuite, Jean Segui, le compromis impossible avec l'intervention de Daniel Herviolet. L'après-midi nous permettra de poursuivre avec les personnes d'Henri Desroches, rupture en écriture, présentée par André Marie. Ensuite, François-André Isambert, fragments et fondements, présenté et discuté par Pierre Lassalle. Et l'après-midi se terminera sous la forme d'une table ronde, temps biographique, vie savante et carrières intellectuelles, animée par Céline Béraud, avec les interventions de Nicolas Adel, de Jean-Philippe Bouillou et d'Anne Collineau, et qui nous permettra de prendre précisément la mesure de ces biographies croisées dans un cadre large, qui est celui de ces archives et de ces réflexions sur les institutions de la recherche en sciences sociales, et plus précisément en sciences sociales des religions. Et nous aurons, en fin d'après-midi, après son étude, après son écoute attentive toute la journée, droit à des réflexions finales et à des ouvertures de la part de Daniel Farr. La matinée et l'après-midi sont découpés en exposés que nous rassemblerons. Un premier exposé sur Gabriel Debras et une discussion immédiate. Et ensuite, les exposés sur Émile Poula et Jean Segui s'enchaîneront avec une discussion finale. Nous aurons à tenir un horaire strictement, puisque le déjeuner à la brasserie d'à côté est prévu pour 12h15. Voilà. Eh bien, nous avons gagné du temps. À toi la parole, Yann. Merci beaucoup, Dominique. Une petite précision, je fais circuler une liste pour les présences, mais aussi les adresses, parce que, en fait, c'est un peu... Un petit détail, mais vous avez remarqué que les programmes n'étaient pas exactement de la même teneur que l'an dernier pour des raisons assez bêtes. Mais justement, je tiens à vous les envoyer une fois que je viens de les recevoir, mais chez moi, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, ce sera votre petit Noël. Vous recevrez une plaquette complémentaire de celle-là pour collectionner donc, les archives de la sociologie des religions. C'est une petite boutade par laquelle je voulais commencer. Autre précision, vous avez vu qu'il y a une autre journée d'études qui est sur Auschwitz, donc c'est pas du tout pareil. Voilà, c'est pour ça que désolé pour les entrées et les sorties de différentes personnes. Je pense que ça va peut-être continuer. Bonjour. Vous venez pour ? Il y a deux journées d'études. Non, mais parce qu'il y a eu plusieurs entrées de sortie. Il ne faut pas être trop pessimiste. Voilà, il ne faut pas être trop pessimiste. Alors, par contre, je vais utiliser le vidéoprojecteur. Hop. Donc, voilà. Et je vais essayer de ne pas être trop long, bien entendu. Alors, ce que je vais vous proposer d'ailleurs, en guise de récréation inaugurale, pourrait-on dire, c'est une. Ça va ? Je rallumerai peut-être. C'est donc une suite, puisque effectivement nous sommes dans la suite, une suite de la première présentation que j'avais faite l'an dernier, de ce fonds Gabriel Debras. Alors là, en l'orientant plus spécifiquement sur la question de son rapport à la sociologie, en général, et pas seulement à la sociologie des religions, à partir d'une méthode, si j'ose dire, ou plutôt d'une expérience qui consiste à faire des allées-venues sans cesse entre le traitement archéologique, pourrait-on dire, du fond. C'est pour ça que je vous en ai apporté des carottages, en quelque sorte, et les usages qu'on peut faire de ces archives, et notamment dans une démarche croisée, c'est-à-dire essayer de voir en quoi les archives, notamment, bien entendu, les correspondances ou les rapports, sont l'objet de croisements documentaires et en même temps aussi de réservoirs. Donc c'est pour cela que je vous propose une double entrée de documentation. Il y aura quelques images sur des textes particuliers et puis je ferai circuler un peu comme un PowerPoint en trois dimensions, des dossiers d'archives, donc ils seront dans des enveloppes, mais comme ça permettra au moins de justifier de venir aux archives nationales et de pouvoir se faire passer des dossiers. Alors évidemment, en essayant de pas trop, d'abord s'attarder dessus, parce que du coup, ça bloque. Et puis, en essayant de pas trop les mélanger, mais ils sont plus ou moins dans leur état naturel. Ça, c'est pour les considérations générales. Et je vais ensuite, je vérifie que tout est en marche, c'est parfait. Alors, le sociologue malgré lui. Pourquoi ce titre un peu, évidemment, en guise de clin d'œil? Tout d'abord parce que Gabriel Le Braz, nous l'avions dit l'an dernier, je crois que même c'était une des dernières considérations, était un homme qui aimait le théâtre, notamment le théâtre classique, et c'était même un auteur de théâtre, puisqu'il a composé cette pièce, La folie de la paix, qui restait inédite, mais qui était une sorte de grande... à la fois apologie du pacifisme et en même temps critique des institutions internationales. Donc finalement, ce sociologue malgré lui, j'ai souhaité utiliser la figure du médecin malgré lui pour essayer de comprendre de quel théâtre Gabriel Le Braz était sinon l'acteur ou peut-être le marionnettiste, puisque on le sait, on l'a dit, on va le revenir. Gabriel Le Braz, l'an dernier on parlait de marginal central, est à la fois un personnage omniprésent et fuyant, qui échappe aux catégorisations, qui n'échappe pas aux institutions, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a plutôt tendance à les contrôler, ou en tout cas, en arrière-scène, justement. Donc je pense que la métaphore du théâtre peut être intéressante, d'autant que ce sociologue malgré lui se déploie donc sur un long XXe siècle, on peut dire qu'il est né en 1891, mais son contact avec la sociologie est très essentiel et primal, puisqu'il a assisté en auditeur libre en 1911-1912 au cours de Durkheim, ce qui tout de suite lui donne, et ce qui est très important pour la suite, lui donne une aura quasiment d'or de la relique de la parole, surtout le temps avançant, évidemment. Donc le problème fondamental, c'est qu'évidemment le terme de sociologie et surtout les conceptions qu'on peut y attacher ont énormément évolué dans ces 60 ans de contact de sociologie avec de Gabriel Le Braz, puisqu'il est mort en 1970, donc voilà, ça fait à peu près 60 ans. Et effectivement, tout le monde le sait, et les travaux de Jean-Christophe Marcel, de Thomas Hirsch, de plein de personnes travaillant sur l'histoire de la sociologie ont bien montré comment effectivement la science générale à même de lutter avec la philosophie, s'était progressivement transformé non pas en science générale des sociétés, au gré d'ailleurs de l'indépendance, de la manière dont l'ethnologie s'est rendue indépendante après Mauss, puis ensuite l'anthropologie sociale, pour finir par se commuer dans les années 50 en science des sociétés contemporaines, voire des sociétés industrielles, voire des sociétés urbaines et du rural post-industriel. Donc ça c'est très important, puisque finalement au cours de ces 60 ans Gabriel Le Braz est à au moins 3 ou 4 reprises, malgré lui sociologue, mais, et c'est là un peu la difficulté, mais à chaque fois en contrepente ou en porte-à-faux avec l'évolution même de la sociologie. Donc ça se démultiplie, c'est un peu un kaléidoscope en quelque sorte, et je vais essayer de le montrer, d'autant que ça correspond à peu près à 3 ou 4 générations de sociologues, alors bien entendu je mets 1000 guillemets, qu'il s'agisse des fondateurs ou du neveu du fondateur Mauss, qui, on va le voir, joue un rôle essentiel dans son rapport à la sociologie, Mauss le principal évidemment instituteur de la sociologie, puisqu'il crée la chaire au Collège de France en 1930, on aurait tendance à l'oublier, surtout depuis... La captation généalogique des anthropologues après 1950. La génération de Mauss est, dans une moindre mesure, celle d'Alvax, un peu plus jeune. La génération de Friedman, troisième génération, et de Gurwitch. Et puis la génération des jeunes, celle qui nous occupe plus particulièrement, celle des gens nés après 1914, des Roches est né en 14, ou nés dans les années 20. Et donc, à chaque fois, il y a plusieurs façons de faire de la sociologie, ou de se penser sociologue, ou de positionner la science sociologique. Alors, au total, j'essaierai de développer 3 façons d'être sociologue malgré soi, et malgré trois modalités, en fait, malgré d'abord le droit, malgré la discipline juridique, et malgré donc ce qui consiste à dire malgré la discipline et malgré le positionnement de la discipline juridique par rapport aux sciences sociales, malgré la pastorale, c'est quelque chose que nous avons déjà envisagé, j'y reviendrai, et on pourrait même peut-être dire malgré, mais je parle sous le contrôle d'historiens de l'ecclésiologie, malgré l'ecclésiologie, si on peut admettre que l'ecclésiologie existe encore dans les années 30 et les années 50, comme non pas discipline autonome, mais comme branche des sciences religieuses, malgré les sciences religieuses, et enfin malgré l'institution de la sociologie, cette fois la vraie, non pas celle au Collège de France, mais celle au CNRS, puisque, et c'est la figure bien connue que nous avons déjà abordée, Gabriel Le Braz est l'arbitre des élégances et des coups bas qui se déroulent au CES, au Centre d'études sociologiques, à partir de 1946, dont il est un des membres fondateurs, et il se dérobe sans cesse, nous le verrons, à la volonté de prendre le contrôle du CES, jusqu'à finalement s'éloigner et finir tout de même le sommet de sa carrière de consécration académique à l'Académie des sciences morales et politiques, qui reste, sur le plan, on va dire, de la géographie académique, le lieu par lequel la sociologie, une partie de la sociologie, se classicise, voire se conservatise, si vous me permettez ce mauvais néologisme. Donc trois figures de la marginalité centrale ou de la centralité marginale, qui d'ailleurs doivent être mises en rapport, et c'est une référence bibliographique, avec les travaux de Françoise Simonet Tennant, j'ai juste ici, il me semble, non, je ne l'ai pas pris, d'accord, bon, si je l'ai pris, voilà, c'est un article, notamment deux, trois articles publiés dans la revue Genèse, sur le rendez-vous manqué entre les juristes et les sociologues, dès les années 30, mais surtout après-guerre. Qu'est-ce que j'ai dit, Simonet Tennant? Alors, je voulais dire Soubiran Empaillé. Je mélange les disciples de Philippe le Jeune avec ceux de Yann Thomas. Excusez-moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Francine Soubiran-Paillon est une juriste, bien entendu. Donc cet article qui date donc des années 90, fin des années 90, et qui donne un bon cadre pour comprendre comment, en fait, et ce sera mon premier sens, comment effectivement il y a des rendez-vous manqués qui justifient de pouvoir parler de cette position en porte-à-faux. Alors, mais avant de rentrer dans le parcours, l'itinéraire de ces trois figures d'évitement, ou de, je ne sais pas comment les qualifier, enfin en tout cas de malgré soi, je voulais rappeler la richesse du fonds Le Braz, non pas vous remontrer toutes les photos que j'ai l'habitude de vous montrer, je vais rallumer, que l'an dernier sur lesquels nous étions passés, richesse qui est un peu un piège, d'abord parce qu'il pose un vrai problème de traitement, et richesse qui est fondée sur le fait, je vous le rappelle, sur le fait qu'effectivement, sa veuve n'étant morte qu'en 2009, Marthe Le Braz, né Follin, juriste également, son appartement parisien de la place du Panthéon a fonctionné comme une sorte de mausolée de papier, avec quand même un certain nombre d'érosions et d'extraditions vers la Bretagne, même les marais de Guérande. La maison et le corps aujourd'hui de Gabriel Le Braz reposent, donc à Saint-André-les-Eaux, près de Guérande. Il m'a fallu beaucoup de temps pour reconstituer tout ça, même si au départ, en fait, la préoccupation était liée à la bibliothèque. Et c'est finalement pour ça que je voulais dire que la richesse peut être parfois un piège. Et je pense que André Marie nous en parlera également à propos d'Henri Desroches, puisque finalement, une des plus grandes difficultés, c'est que la bibliothèque, malheureusement, n'a pas pu être conservée avec les archives, parce qu'elle était absolument monstrueuse. Et que la partie science sociale, qui pourrait nous aider à comprendre en quoi Gabriel Le Braz est quand même ou non sociologue, ou comment il se positionne, a été extrêmement éclatée, et précocement éclatée, alors que la partie droit canonique a été transmise, heureusement, et j'en suis ravi et un peu responsable, à l'Université Paris 11, intégralement, comme un fonds le Bras. Donc les médiévistes et les modernistes auront la possibilité d'avoir l'archive de la lecture intellectuelle et érudite de Gabriel Horace sur l'ecclésiologie et l'histoire de l'Église. Ce n'est pas le cas pour la sociologie, puisque par exemple, avec Pierre, quand je suis rentré dans votre danse si j'ose dire, du César ou du Car, la grâce, finalement, j'avais jamais pensé à ça. En 2012, c'était pour ce numéro sur les 100 ans des formes élémentaires de la vie religieuse, et nous cherchions justement le trace, et c'est un symbole, d'un livre de Durkheim dans ses livres dispersés. Nous n'en avons pas trouvé, ce qui évidemment était un peu dommage, bien qu'il est vraisemblable que le Bras possédait son exemplaire des formes élémentaires de la vie religieuse. Donc c'est un peu aussi par défaut de possession de ces documents que j'ai eu tendance à tout collecter, y compris, vous voyez, des plaquettes, des faits circulés de documents qui peuvent s'avérer relativement rares maintenant, hein, comme ces belles plaquettes du Père Lebray, qui sont en fait des modèles de description de paroisse, ou le manuel de l'enquêteur. On passe évidemment là tout de suite à la pastorale, mais finalement aussi, j'ai un peu ramassé de manière obsessionnelle tout ce qui relevait de la brochure et ces petites choses que Henri Lévy-Bril, le fils de Lucien, autre sociologue malgré lui, ont pu publier. Voilà, ça c'est vrai que c'est finalement le moins représentatif du fond. Je vais passer, ça n'a pas d'intérêt farouche. Pareil pour les thèses, il y a finalement toutes ces thèses conservées dans ce fond. J'en ai pris une ici, alors souvent avec évidemment les annotations. Il y a très peu de thèses de sociologie générale, et très souvent on va voir justement déjà cette césure ou cette fêlure dans des jurys qui sont à cheval entre la cinquième section, mais c'est propre aussi tout ça à la cinquième section, je vais y revenir dans un instant, et l'université, donc les sciences religieuses. Là, par exemple ici, je l'ai pris un peu au hasard, mais le hasard fait bien les choses, pratiques religieuses et classes sociales dans une paroisse urbaine, Saint-Potin à Lyon, thèse pour le doctorat S lettres par monsieur Émile Pain. Voilà. Alors, donc voilà, donc ça fait partie, si j'ose dire, du matériau scientifique de base, et qui est fuyant, si j'ose dire, ou partiel. La grande richesse, et je vous la présente maintenant physiquement dans sa folie accumulatrice, c'est ce que j'essaye, si j'ose dire presque, dans étant mort, puisque ce n'est pas du tout le cœur de mon travail, le fond Le Bras, de transformer ceci en ceci. Ça n'a l'air de rien, c'est un simple opération de dépliage. Mais c'est assez hérétique en termes archivistiques, puisque en fait Le Bras conservait absolument toutes les lettres dans des pochettes comme ça, une fois qu'il avait répondu, mais soigneusement pliées, vous voyez, et en gros selon des nappes chronologiques du mois. C'est-à-dire que là vous avez à peu près la correspondance d'un mois à deux mois reçus, avec en plus notes éventuelles, programmes de travail et autres papiers, non pas brouillons, mais notules. Alors évidemment, c'est un vrai paradoxe archivistique, puisque les archivistes, en principe, aiment bien classer les correspondances, d'abord parce que les lecteurs ont envie souvent d'y accéder aux correspondants. Donc là, comme étant donné qu'il y a tout, y compris les régisseurs de la Villa Savary et tous les domestiques de tous les appartements, de la fac de droit, tous les étudiants, tout, mais au milieu aussi, et ça, il faut le noter, ce qui prouve que ça prouve déjà son positionnement, si j'ose dire, à la fois hyper hiérarchique et absolument panoramique. Voilà, c'est Nicolas qui nous vient de... Et là, par contre, je pense, si je peux me permettre, que vous allez à la journée Auschwitz. Non, pas Denis, non. Denis, il a été dispensé d'Auschwitz. Très bien. Donc, je suis obsédé par Auschwitz, excusez-moi. Je me dis, Auschwitz doit être plus attractif que Gabriel Le Bras. Donc je précise juste, donc je vous demanderai de ne pas ouvrir l'enveloppe, mais vous aurez... Non mais parce que ça, c'est un peu compliqué, mais de juste d'en trouver. Et vous verrez qu'effectivement, il n'y a pas de hiérarchie, puisqu'on y trouve au milieu les lettres des gens que d'habitude, on pense être mis à part. Lucien Febvre, Marc Bloch, pour les totems, en tout cas Marc Bloch. Je trouve régulièrement des lettres de Marc Bloch au milieu de prospectus de musique sainte ou de... Voilà, donc il n'y a strictement aucune hiérarchie, sauf la chronologie. Même les affaires étrangères, qui là relèvent du secret de la confession largement, puisqu'il est conseillé pour les affaires religieuses, peuvent trouver aussi leur place dans ce tombeau de papier. Et effectivement, c'est un vrai paradoxe, je tiens à cela en termes de traitement, puisque de fait, il serait absurde de briser ce non-ordre qui permet déjà de dater beaucoup de lettres qui ne sont pas datées, déjà commencées. Et puis dedans, il y a parfois des rapports. Enfin, c'est comme une chronique en temps réel. Alors parfois, c'est le cas ici, vous voyez, 1948-1955, les nappes sont un peu mélangées, on congrès des traitements. Donc, c'est absolument monstrueux. Pour vous dire, il y a l'équivalent de 30 DIMAB, c'est-à-dire des cartons comme celui-ci, remplis d'enveloppes comme celle-là, comme celle que vous venez de circuler. Remplis, c'est-à-dire dans chaque carton de 30, on a une quinzaine de trentaines. Donc, ce qui représente, donc, dans chaque carton, disons 15 dossiers comme ça. Donc, il y a quoi ? Et tout ça étant mélangé chronologiquement, puisque tout ça a été, alors là pour le coup dans une position tout à fait archéologique, non, c'est ça, plutôt passé par là, dans des greniers de la ville Savary, puisque Marc Lebras exfiltrait à chaque Toussaint, puisque c'est pour aller voir le corps de son mari, une partie de ce corps de papier. Et d'ailleurs, il y a une partie des cartons qui ont jamais quitté la place du Panthéon. Donc, en plus, c'est les premiers que j'avais vus. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, c'est pas possible. S'il y a ça, il y a quelque part ailleurs tout. Et de fait, il y avait quelque part ailleurs tout. Alors, vous allez voir que du coup, je ne peux pour l'instant qu'extraire de temps en temps, au gré, alors là, du hasard de mes rencontres, quelques petites pépites. Je vous en ai préparé une ou deux qu'on verra en détail. Là, une fois de plus, il ne s'agit vraiment pas pour vous de vous plonger dans ces liasses, puisque elles sont, si j'ose dire, dans... voilà. Alors, et puis, autre grande richesse du fond, mais presque tout aussi inexploitable, ce sont les carnets. Et là, des carnets comme ceci, toutes les tailles et tous les thèmes, il y en a peut-être 200. Ça va de l'agenda, bon, qui est l'agenda prospectif, hein, on va dire. Mais ça va aussi à des carnets thématiques, ces éphémérides dans lesquels Gabriel Lebras note y compris la position en bon ethnographe, la position des gens dans les tables des réunions officielles, ethnographe du quotidien, voilà. Donc il y a des choses assez intéressantes. C'est un ethnographe du pouvoir, donc il s'intéresse à la manière dont effectivement les gens d'église se disposent les uns par rapport aux autres. Et puis il y a même alors ça c'est encore plus riche, mais très difficile à utiliser, des carnets qui sont en fait des minutes de correspondance. Vous en verrez un très beau ici qui commence justement par une minute à Brodel, ainsi qu'à d'autres, puisqu'effectivement la correspondance envoyée, par définition, il ne gardait pas non plus tous ses brouillons, donc on en trouve parfois, mais plutôt sous cette forme, c'est-à-dire de minutes dans des carnets. Donc tout ça pour vous parler de cette forêt de documentaires, et pour vous dire que, c'est un appel à quelque chose par André, eh bien, cette forêt est difficile de s'y repérer, mais avec le temps, j'espère qu'elle produira quelque chose. Ça, c'était pour mes précautions oratoires, vous m'excusez. Maintenant, je rentre oratoire et méthodologique dans le vif du sujet et j'irai beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus précise. Alors voilà, justement, le problème aussi de Célia, c'est pour ça, c'est qu'il garde évidemment toutes les cartes de visite. On a parfois... Vous en verrez tout à l'heure, des bouffées de réseau qui, comme des fleurs, n'est-ce pas, sociologiques, se déploient. Ah oui, parce que là, l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est la conservation archéologique par mois ou par période cohérente. Hein. Parfois, il y a des enveloppes, on voit très bien, il est à la ville Savary, parfois, c'est des enveloppes où il est en voyage, etc., etc. Fait que ça, c'est tout à fait, effectivement, effrayant, mais un matériau qui appelle à l'ethnographie des archives. Et là, évidemment, Daniel, je pense, voit de quoi, des écritures ordinaires, n'est-ce pas, du quotidien. Il y a aussi également, et ce sera mon dernier exemple, de folie de conservation, ou plutôt de temps qui s'est arrêté en 1970, disons, voilà, des dossiers, c'est plus classique, entiers de visites. Ici, un dossier ecclésiastique assez drôle, en Italie, et tardif, qui, je pense, plaira beaucoup à ceux qui ont l'habitude de fréquenter les instances vaticanes, puisque à ce moment-là, le Bras, qui est un ami personnel de plusieurs papes, permet voilà, une certaine présence dans les milieux ecclésiastiques. Donc là, c'est son dossier de conférencier voyage, où il est président. Alors, c'est à Bologne, et c'est en octobre 63. Donc, c'est le... C'est sur le 7e centenaire de la mort d'Accurse. Hein, donc, gros rendez-vous de droit canonique avec tout ce qu'on peut imaginer d'ecclésiastique. Donc là, vous voyez, il y a même les dépliants de voyage encore dans leur pochette. Hein, donc, on est avec lui à Bologne en 1963. Voilà. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Oui, parce que tant qu'à venir aux archives, autant... voir frôler les archives. Voilà, les archives, il y a un moment donné, il faut que ça devienne concret. Alors, et c'est tellement concret qu'effectivement, ça épuise. Mais j'espère ne pas trop vous épuiser. Alors. Il avait un appartement de place du Panthéon, mais en fait, tout ça ne prend pas tellement de volume. Hein, c'est. Quand on a des grands placards, vous savez, et un grenier, voilà. Alors, je vois Daniel, parce qu'il y a plusieurs Daniel, qui nous a dit l'an dernier à quel point, pour elle, cette accumulation relevait d'une sorte de fétichisme ignoble, ce que je ne suis pas loin de partager comme avis, mais moi, je me place du point de vue de la science et de la manière dont on peut l'exploiter. Mais quant à la pratique de soi, c'est un autre débat. Nous ne sommes ici assis et non pas allongés, donc je me propose de laisser ces considérations pour la discussion. Mais c'est voilà, il se trouve que ça nous permet de travailler aussi. Ou de voilà. Alors, rapidement, tout d'abord... Le sociologue, malgré lui, parce que malgré sa génération et son parcours. En fait, le Braz, et malgré la discipline dans laquelle il s'engage autour de 1910-1914, puisque effectivement, même s'il n'y en a pas de traces, enfin je ne suis pas encore arrivé à la couche des correspondances des années 1910, qui existent aussi, j'en suis même très très loin de cette couche-là, des vestiges de cette époque qu'il a conservé, puisqu'il a été célibataire jusqu'en 1939, ce qui est assez important, donc il a été célibataire jusqu'à l'âge de 50 ans, et donc il avait tendance à tout garder, mais le fait de se marier, ça a augmenté encore, puisque sa femme participait de la logique de conservation, et elle y a participé 40 ans après sa mort, donc voilà. Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, ça, c'est très fréquent. Là aussi, Daniel, nous pourrions parler d'anthropologie, de la transmission des papiers. Ça a été fait par Valérie Péché, ça a été fait par Daniel. Enfin, c'est un autre aspect très intéressant. C'est qui dans la famille, les femmes, pour le dire un peu vite, traditionnellement, les sœurs des grands hommes, les fous des petits hommes d'ailleurs, mais je veux dire, parce que c'est pas forcément une question de grands hommes, évidemment, mais et les veuves, là-dessus, on pourrait en parler, mais c'est pas le sujet. Donc, son engagement dans le droit est lié fondamentalement à une rencontre avec Paul Fournier, qui d'ailleurs était un archiviste paléographe, et avec l'érudition, puisqu'en effet, il est d'abord durkheimien avant d'être juriste et canoniste. Et ça, c'est important de le dire, puisqu'il ne passe au droit canon qu'en 1914, à la veille de la guerre, et avant de partir pour les tranchées, puisqu'il y a aussi, énormément de choses pour entretenir tout le dossier sur les intellectuels empêchés, comme on dit aujourd'hui. Ce point d'inflexion est essentiel, parce que ce n'est pas le contact avec Durkheim qui va lui donner la voie vers la sociologie, intellectuellement certainement, mais pas sociologiquement, puisqu'en fait... C'est par le droit canon et plus tard par la cinquième section qu'il va re-rencontrer la sociologie. Et fondamentalement, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, d'autant qu'il y a cette légende de Strasbourg qui est une belle légende de fondation. Oui, Le Braz, au lendemain de la guerre, a déjà la grègue de droit, il va assez vite, est déjà professeur à Strasbourg en 1921, mais à l'Institut de droit canonique. a des contacts avec Alvax et Blondel, qui eux-mêmes sont à Strasbourg, a quelques contacts avec Bloch, en effet, avec qui il commence à correspondre de manière encore très distante, mais on ne peut pas admettre que ce fameux milieu strasbourgeois qui a été décrit à plaisir par l'historiographie, on va dire, de l'école des hautes études en sciences sociales et de la préhistoire des annales, disons-le tout de go, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas dans les correspondances, ça ne fonctionne pas, c'est trop simple, c'est trop schématique. Par exemple, Fèvre, en fait, le Braz ne rencontre Fèvre qu'une fois à Paris en 1931. Enfin, 33, puisque Fèvre n'arrive qu'en 33 à Paris, et lui est déjà en 31. Donc ça ne fonctionne pas, et c'est pourtant ce qu'on lit souvent dans les biographies de Le Braz, c'est, mais bien sûr, un juriste qui rencontre la merveilleuse aventure de la reconstruction des sciences sociales à Strasbourg, dans un pays en reconstruction, etc., et qui se convertit. Non, il était sensibilisé avant, et sa conversion va être, je dirais, plutôt postérieure, c'est-à-dire par le biais de la 5e section et de Marcel Mauss, puisqu'en effet, il est élu la même année professeur de droit canonique. Vous cherchez plutôt Auschwitz. Voilà, c'est ça. Là, vous voyez que quand même, de temps en temps, je ne me trompe pas. Hein. Voilà, en fait, il faut prononcer régulièrement droit canonique, et à ce moment-là, tac, on comprend qu'on n'est pas, effectivement, dans la même réunion. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'activités, hein, ici. Ça me fait plaisir, de fait. Bref, donc, ce milieu strasbourgeois est important, mais secondaire, je passe vite. On en a assez la preuve, d'ailleurs, quand il revient à Paris, puisque en 31, il est à la fois professeur de droit canon à Paris, donc ça y est, il est déjà à la Sorbonne, c'est fini, enfin je veux dire, enfin au Panthéon plutôt, puisque, mais sa carrière est, et il est au maximum de sa carrière de juriste. Il est professeur de droit à la faculté de Paris, et il a donc 40 ans. Donc sur le plan académique de juriste, il ne pourra pas aller très plus loin, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il est élu directeur d'études à la 5e section, où là, il rentre en contact avec Mauss, avec qui il avait des relations. C'est assez compliqué parce qu'il impute dans plusieurs documents biographiques qu'il est cousin avec Marcel Mauss, et là, j'arrive vraiment toujours pas à comprendre par quel biais, mais qu'il a une forme de cousinage par alliance, ce qui prouve que, vous voyez, le catholicisme breton peut entretenir des alliances jusque... il n'y a pas de limite. Là, il faut que je creuse, je ne sais pas encore. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, et je vais vous le prouver, enfin, vous pouvez vous le montrer par image avec ce carnet, parmi la flore des carnets des années 30, qui est en fait simplement un carnet où il note jour par jour les correspondants à qui il a répondu. Donc vous verrez, si vous parcourez les... on a très très peu. Il n'y en a presque pas. Il y a Alvax apparaît une fois en une année, on est en 37. Bouglé apparaît, je vais y revenir, mais Bouglé, il est essentiel dans l'héritage de Durkheim, mais l'essentiel, ce sont des juristes. Hein. Donc, ça donne. Alors, c'est sûr que, en fait, Pierre, alors là, on ne devrait jamais donner les archives, parce qu'en fait, il en profite pour gagner du temps et cherche, et il traque le nom d'Isambert dans le carnet. Ça, c'est pas bien! Non. Parce que ça, tu peux venir quand tu veux le consulter, pas aujourd'hui. Excuse-moi, je te le dis. Hein. C'est pas. Non, mais c'est pas pour m'écouter, moi je m'en fous. Mais c'est plutôt que du coup, mon espèce d'atelier est conçu comme une sorte de tourniquet des archives. Bon. Alors, la preuve d'ailleurs, et là je vous prépare un petit coup de théâtre, puisqu'on parlait de Molière. C'est que effectivement, quand par exemple la preuve qui quand même il s'insère dans les réseaux de la sociologie dans les années 30, sa future femme, puisqu'on a conservé toutes les lettres de Marthe de l'étudiante à la femme, ça représente 200 lettres entre 1939 et 1940, donc on peut suivre parfaitement la construction de l'alliance matrimoniale entre la fille d'un promoteur immobilier de Saint-Cloud, docteur en droit. Un grand professeur de droit canonique. Et donc, Bouglé meurt, on est en 39, il commence à peine là, le projet de mariage est à peine en vue, et Marthe écrit, voilà, j'avais vu dans le journal l'annonce du décès de Bouglé, mais ne savais pas que vous le connaissiez si bien. On est là au cœur de ce jeu d'apparence qu'il y a autour de la figure de Le Braz, alors que Bouglé est évidemment la pièce maîtresse, fondateur du Centre de documentation sociale, directeur de l'École normale supérieure à ce moment-là, des réseaux de néo-durkheimiens des années 30, au fond, sa future femme découvre que, en fait, Bouglé est un de, non pas un de ses intimes, mais un de ses alliés objectifs. C'est un peu pareil pour Mauss. Il ne met pas spécialement en avant son rapport avec Mauss. Ça va même assez loin. Et là, je dois dire que j'ai été moi-même surpris. Alors, c'est pas dans le fond le bras, puisque le croisement, il commence quand on croise les sources. Hein. Excusez-moi de faire le vieil historien un peu décrépit. Et donc, de temps en temps, il m'arrive d'aller dans les archives du Collège de France, qui sont au Collège de France, qui sont à la fois très dispersées et très, enfin, très fragmentaires et très riches. Et notamment, on a la chance d'avoir des papiers conséquents d'Edmond Farrall, qui est l'administrateur des années 30 et surtout des années 40. Donc, qui est l'administrateur qui a vécu l'occupation et qui l'a, si j'ose dire, couverte. Et notamment, bien entendu, les questions de chair remplacées soit pour des raisons d'exil ou de destitution, comme Faucillon, hein, qui a été destitué parce qu'il, pour des raisons civiles, ou pour des raisons évidemment d'application du statut des Juifs, ou pour des raisons de mort. Donc en fait, il y a une dizaine de chairs sur le carreau en 42-43, ce qui fait que c'est une des plus grandes phases de recrutement pour le Collège de France dans toute son histoire, hein, la guerre. Hein, ça, c'est très important, il faut le comprendre. C'est comme ça d'ailleurs que Moïse Alvax, qui n'est pas du tout juif, hein, je le précise, parce que souvent on lit dans les travaux de sociologues ou d'autres un peu rapidement que, comme c'est un nom germanique, sa femme est effectivement de confession juive, mais lui n'est pas du tout. Et donc, vous savez qu'il a été élu au Collège de France, c'est un des derniers professeurs élus au Collège de France par Vichy, donc en janvier 44. Hein. Mais voilà. Alors, c'est de ça dont il s'agit. Comme vous le savez, Mauss est à la fois malade et, enfin, c'est compliqué l'application du statut des Juifs, mais en fait, on découvre dans ses papiers de Farrall que le Braz était candidat pour la chaire de Mauss. C'est un peu un événement qui casse la baraque, au sens où vous allez le voir concrètement. Là, vous avez, on est le 19 février 43, crédit disponible pour le fonctionnement des chaires, crédit Mauss, Mandelbrot, bon, etc., Faucillon, voilà. Alors c'est intéressant, parce que là, c'est passionnant, hein, là on rentre dans la cuisine, hein. La cuisine du Collège de France. Et là, d'ailleurs, c'est très explicite, hein, vous voyez. Nous avions considéré que cette loi destinée à réserver les droits des prisonniers, pardon, n'avait pas grand sens en ce qui concernait les chaires magistrales, etc. Il parle aussi du statut des Juifs. Bonjour, c'est bon. Oui, non, je vous reconnais. D'autre part... voilà, j'ai donc en votre nom, sous-entendu à l'Assemblée, dès le début de 41, demandé une exception à la loi en faveur du Collège. Chose curieuse, en effet, la résistance à cette demande n'est pas venue du ministère de l'Éducation nationale, mais surtout du ministère des Finances. Donc, il explique pourquoi, en fait, il a du mal à réattribuer les crédits des chaires vacantes ou suspendues. En fait, pas tant pour des raisons idéologiques, ce qui prouve qu'en fait, Carcopino et de toute façon sous le contrôle des finances, puisque c'est ce qui explique pourquoi il y aura si peu de chaires, parce que ce que craignent les gens du collège, c'est que le ministère de l'Éducation nationale impose des chaires, notamment Alexis Carrel, et notamment toutes les intellectuels compromis dans le vichisme. Bon, pour finir, il y en aura quand même un. Oui, je sais, je suis très en retard. Voilà, ça va aller assez vite. Et voilà ici la preuve, voilà, hein, vous voyez. Enfin, pour les crédits Mauss, un candidat s'étant prématurément mis en campagne, plusieurs autres ont, alors vous voyez ça, prématurément mis en campagne, c'est très important pour le Collège de France, plusieurs autres ont imité son exemple. Et je n'apprendrai rien à la plupart d'entre vous, alors là on est vraiment dans la parole vive, en leur disant que des propositions diverses vous seront faites en faveur, soit de M. Renaudet, qui sera élu plus tard, lui c'est pas du tout un ethnologue, soit de M. Alvax, soit de M. Gouillet, soit, on m'a dit que M. Le Braz, qui avait été candidat, ne le serait plus. Donc apparemment ça vient de lui, et en fait c'est cohérent parce que son dossier de candidature, vous l'avez là, et c'est l'essai de l'introduction à la pratique religieuse, publié en 1942. Et là, tout d'un coup, ça devient cohérent, surtout si on regarde comment Mauss est cité dans la préface. Alors, je ne vais pas faire le détail, mais en gros, il place entièrement l'introduction sous le patronage de Mauss, en disant, finalement, ces conditions, sous-entendues de la pratique sociale n'ont jamais été encore été d'objet d'étude. Elles sont parfois entrevues par des clercs préoccupés de la réalité humaine autant que des vérités divines et par des savants attachés à la psychologie des groupes organisés. Mais les premiers se laissent honorablement animer d'une fièvre apologétique et les seconds séduire par les replis d'âmes océaniennes. Touc pour Linhart. Malgré les invitations d'un maître qualifié, M. Mauss, c'est la note, les sociologues se sont peu occupés, les sociologues bien entendu, Mauss a une chaire de sociologie, hein, et sociologie tout court. Hein. Les sociologues se sont peu occupés de la vie religieuse de leurs compatriotes. Quant aux clercs, ils ont été guidés par des préoccupations apologétiques plutôt que par des méthodes critiques. Depuis quelques années, pourtant, ils sont en voie de mettre la science au service du ministère. Vous avez là la double façon d'être sociologue malgré soi, malgré le droit, malgré la sociologie maussienne et surtout malgré la pastorale. Hein, qui est mon deuxième point. Bon, voilà, je fais circuler l'introduction à la pratique. Voilà. Alors, en fait, pourquoi Le Braz a retiré sa candidature ? Vraisemblablement parce qu'à cette époque, il est au cœur du FNU, c'est-à-dire du Front National Universitaire, qui est donc l'organe officiel de la résistance universitaire. Ce qui va lui donner tout son pouvoir d'après-guerre, c'est bien connu. Évidemment, là, les papiers, il faut vraiment faire encore un travail pour bien lire entre les lignes les allusions. Je n'ai pas encore trouvé de nappe concernant la résistance, qui, je pense que je n'en trouverai pas. Vous avez là, ici, une très belle note de Marcel Cohen en 45, même en vraisemblablement l'automne 44, elle n'est pas datée, sur l'épuration, puisqu'ils organisent tous les deux l'épuration universitaire, et notamment à la 5e section. Vous voyez, c'est Marcel Cohen, hein, le grand éthiopioniste, qui... voilà, vous voyez, on s'occupe pour l'épuration le plus rapide possible de l'établissement. Voilà, c'est urgent. Voudriez-vous vous charger de la chose pour les hautes études, 5e section ? Ah, hein, on change de ton, là. Hein, c'est plus la même chose. Mais vraisemblablement, Le Braz, sans être très précocement... c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'il s'engage. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, et là, je le fais circuler sans le citer, c'est que le 22 janvier 1945, c'est lui qui préside la réouverture de l'Université de Paris par le général de Gaulle, et c'est lui qui fait le seul discours des universitaires. Donc, effectivement, on comprend que, vraisemblablement, entre 1943 et 1945, il a occupé une place importante et que sa candidature au Collège de France lui a paru moins importante et plus compromettante, surtout, que... son engagement dans le FNU. Je vous rappelle le début de son discours. Mon général, monsieur le... puisqu'on a aussi tout le dossier avec le brouillon du discours, ça c'est la plaquette imprimée. Mon général, monsieur le recteur, Roussy, bien sûr, mesdames et messieurs, seul en droit de parler au nom de la résistance les hommes qui donnèrent à la cause une goutte de sang ou leur entière liberté. La voix que fait entendre ici un obscur mandataire est celle des captifs et des morts. Ce qu'ils vous disent du fond des geôles et des tombes, c'est d'abord qu'ils furent eux-mêmes des mandataires, agissant pour un corps qui n'a jamais fléchi, notre Université de France. Les groupes militants n'étaient que l'avant-garde d'une troupe impavide, évoquant entre deux victoires leur action, leurs bienfaits, leur espérance. Leur action ne pouvait être aussitôt aussi éclatante et sonore que celle des maquisards ou des cheminots. Ils formaient cependant un maquis dans la ville, avec ses états-majors, ses repères et ses armes. Bon, après, il file la métaphore des armes intellectuelles, etc. Mais donc, là, il y a quelque chose à clairement élucider, sur exactement, et j'ai jamais trouvé vraiment de référence savante à l'action de Le Braz au sein du FNU, en tout cas sur la chronologie, mais laissons cela de côté. En tout cas, et j'en tire l'essentiel, ça c'était le discours justement, l'essentiel du moment de mon deuxième temps, qui sera beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que ça lui donne... cette autre façon d'être sociologue malgré lui, c'est-à-dire malgré l'institutionnalisation. Puisqu'en fait, cette position lui donne une position ultra dominante. D'abord, entre parenthèses, en 41, il était devenu président de la 5e section, au moment où Mauss l'a lâché. Donc il a fait déjà succéder à Mauss, et on l'oublie trop souvent, c'est que Mauss a été président de la 5e de 31 à 41, et il a été suspendu autant pour des raisons de santé que par application du statut des Juifs, hein, puisque vous savez que Mauss... On a quelques lettres de Mauss que je commence à retrouver dans ces enveloppes que vous avez vues passer. Il y en a une notamment qui est absolument... J'écris très mal, Mauss, en plus. Mais il y en a une notamment qui date de 43. On voit qu'il a déjà plus sa tête. Hein. il ne parle plus, enfin, il gribouille des choses insensées. Donc, la position de Le Braz au lendemain de la guerre, là où elle est la plus visible, dans la fondation du CES, je vais y revenir dans un instant, c'est surtout dans le regard américain, ou plutôt franco-américain, quand Jean Gottman écrit à Willits, le directeur de la fondation Rockefeller, dans un rapport qui lui vient de la fondation Rockefeller, pour le coup, donc on croise les archives en anglais, Jean Gottman, le géographe, qui fait partie des personnes qui ont été les relais de la fondation Rockefeller aux États-Unis et qui décrivent ainsi le paysage des sciences humaines en 1948 en disant très clairement, je traduis de l'anglais, donc qu'il y a deux leaderships scientifiques d'idées et de talents pour les sciences sociales, le professeur Lucien Febvre et le professeur Le Braz. Febvre est certainement le plus connu de la fondation, et je ne passerai pas beaucoup de temps à parler de lui. Par contre, Le Braz is a new and rapidly rising star. Donc, une étoile montante. Le Braz is a Catholic of maritime trends. Donc, de tendance maritaine. Hein. Ça, c'est l'avantage d'avoir des espions. Enfin, des espions. C'est quand même un peu ça, hein, des agents doubles. Hein, c'est qui, dans leur rapport à la fondation, de fait, c'est ça. Hein. Nulle part, on lit que Le Braz est de tendance maritaine. Hein. On ne s'est pas dit explicitement. Hein, voilà. Avec moins d'emphase philosophique que de pratique sociale. Enfin, etc., etc., je ne vais pas vous lire tout ça. Il est assez un peu inquiet parce qu'après, il dit, mais politiquement, professeur Le Braz is not a rightist. Il est even an active member of the comité France-URSS. Et là, ça étonne beaucoup, surtout à la Fondation Rockefeller, puisque, effectivement, Le Braz fait en 48 un cours sur le droit soviétique, qui compare, évidemment, au droit de l'Église, enfin, beaucoup de choses comme ça. Donc, évidemment, vous verrez dans ce petit rapport, qui est une photocopie, que Le Braz, vu de les, est effectivement un pape institutionnel. C'est ça qui fait, et là, j'en termine, que, en gros, il est l'arbitre institutionnel absolu du CES. Tout d'abord parce qu'en fait, il est proche de Georges Tessier du fait des réseaux de résistance et de Georges Jamati, qui est le fondateur du CNRS et qui sera, par ailleurs, on le sait, le beau-père de François Isambert, hein, plutôt le père de Viviane Jamati. Hein. C'est Viviane, hein, c'est pas Véronique. Oui. Je confonds toujours Viviane et Véronique, qui vont faire de voile. Ça commence par V. On a, alors là je vous parle de ces enveloppes, hein, des choses, c'est vraiment du retour de tamisage d'enveloppes archivistiques. Ici en 49, on voit comment Le Braz est l'intermédiaire entre le CES, qui comme vous le savez dans sa création, est une sorte de directoire, je ne sais pas comment appeler ça, de directoire sur un modèle tout à fait collectif, où il y a un comité de direction qui représente à peu près toutes les tendances de ce qu'on appelle sociologie. Donc là, c'est vraiment le troisième sens de la sociologie. Ah pardon, non, c'est très sympa. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à peu près toutes les disciplines des sciences humaines, et on voit à ce moment-là que le CES est concurrent, n'est pas un laboratoire. Il est une des créations emboîtées et en partiellement concurrente avec ce qui est en train de devenir la sixième section, tout simplement. Hein. Puisqu'en fait, vous avez là aussi bien des géographes, André Chollet, des historiens, même un archiviste, Georges Bourgeon, des Archives nationales. Ça, par contre, ça n'a pas été retenu dans le plan de la sixième section. Lucien Febvre, Louis Gernet, Georges Gurvitch, Gabriel Le Braz, Maurice Linard, Henri Lévy-Bru, Lutfalia, Marcel Mauss, qui est encore vivant, donc tant qu'à faire, on met son nom, même s'il ne parle plus, Paul Rivet, du Muséum, s'il vous plaît, le comité de direction, et même Henri Vallon, on ajoute la psychologie, tant qu'à faire, hop, et puis, surtout, il y a un comité exécutif, et là, c'est là où ça se passe, et vous voyez que Gurvitch, retour d'exil, retour des États-Unis, est solidement encadré quand même par deux juristes, Henri Lévy-Brulle et Gabriel Le Braz. Quand on parle du centre d'études sociologiques, alors évidemment, effectivement, le chef du secrétariat, c'est Yvonne Albax, mais ça, on le sait, elle a été recrutée, effectivement, mais vous voyez, elle s'adresse à Gabriel Le Braz, Je vous envoie toute façon un correspondant avec le CNRS au sujet de la modification de la dénomination de notre centre d'études sociologiques. J'en sais pas plus, mais apparemment, en 49, il y avait un projet de changement de nom qui n'a pas vu le jour. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est l'intermédiaire véritablement obligé. Et Sigurvitch, en 49, lui soumet le budget. Ça va vous intéresser. Sigurvitch, hein. Voilà, paf, deux copies, une à Lévi-Bruz, une à Le Bras. Donc en fait, le comité de direction est quand même vraiment biberonné ou patronné par ces deux grands profs de droit. Et donc vous voyez, on est avant la création des groupes, c'est encore les grandes enquêtes, et vous comprenez pourquoi Le Bras pèse quand même correctement, puisque son enquête sur la pratique religieuse représente 100 000 sur un budget de 450 000. Vous voyez les autres premières enquêtes, notamment celle d'Henri Lefebvre sur la radio, c'est Max Sor et pas Maurice, hein, c'est le futur, c'est un géographe qui va diriger le centre plus tard, et bien sûr l'enquête de Lévi-Brulle, Henri toujours sur la criminologie. Ça c'est les débuts du CES. Et Le Bras est non seulement l'argentier avec le CNRS, ça c'est la fin, voilà, voilà, mais c'est aussi une autre lettre d'Yvonne Albax où on voit qu'il est en effet aussi dans l'organisation des séminaires. Et puis il est, là j'ai mis ça pour le plaisir, autre, ça c'est que des trouvailles, hein, au gré des enveloppes. Une lettre de Fèvre, je passe, où en gros il lui demande son d'intercéder en faveur de Soustelle en 50, qui a été rejeté et du Collège de France et du Muséum pour être directeur d'études à la 6e section. Puisqu'en effet, Le Bras est quand même patronne aussi derrière la création de la 6e section en tant que président de la 5e jusqu'en 1951. Donc vous voyez, en fait, c'est plus qu'un arbitre. C'est-à-dire quand Lucien Fèvre demande à Le Bras de protéger Soustelle, qui va bien entendu s'enfuir. Encore plus intéressant, et c'est là où il est vraiment sociologue malgré lui, mais là au sens institutionnel, c'est que quand Friedman, quand il y a le grand schisme, sur la base évidemment du marxisme, au sein du CES en 1951, Friedman démissionne, Lévi-Brulle, qui est donc Henri, toujours le fils de Lucien, lui écrit, je vous adresse en quelques mots, pour vous tenir au courant des développements tant soit peu imprévus, qu'a provoqué la démission de Friedman et de remous qu'elle a suscité dans notre mare au canard. Puisqu'effectivement, du point de vue naturellement, la question de sa succession se pose. Et nous serions tous très heureux, si vous voulez bien assumer cette charge, comme Friedman nous l'a laissé espérer. Parce qu'en plus, il se refile la patate chaude. Hein. Évidemment, Le Bras jamais ne dirigera le CES. Il sera toujours membre du comité directeur, mais jamais il ne sera sur les devants. Ce serait, à mon avis, de beaucoup la meilleure solution. Si finalement vous estimiez devoir refuser, nous pencherons, Gurvitch et moi, peut-être à David, pour Maximien Sor. David, qui est la relique vivante du durkheimisme, hein, comme vous le savez, puisqu'il est en Sorbonne, en train de. Voilà, il va encore tenir 10 ans. Pour Maximien Sor, alors lui, il est carrément géographe et même fondateur de l'écologie, on va dire. Scientifique, pour certains. Ce dernier était pressenti par Gurvitch, persuasé que vous n'accepterez pas, etc. Bon, il savait très bien qu'il allait se défausser. De fait, c'est Sor qui va diriger. Sor, qui manquait un bras depuis la guerre 14, et qui est un personnage tout à fait intéressant, issu alors là de la pure méritocratie républicaine, hein, un ariégeois tout à fait comme Lefebvre, comme Henri Lefebvre d'ailleurs. Vous savez aussi sans doute, etc., que la tâche, je ne vais pas tout lire. En fait, ça se reproduit au départ de Sor. Gurvitch supplie Le Bras de diriger le CES. Pourquoi ? Entre autres pour éviter ceci, c'est-à-dire ce qui arrive au CES en 55, c'est-à-dire Stotzel, c'est-à-dire les sondages, l'Institut Gallup, l'IFOP, le fondateur de l'IFOP, et l'autre versant quantitatif de la sociologie, c'est juste la plaquette hein, de Jean Stotzel, si ça vous amuse, et de fait, ça va être un tournant essentiel 1955, mais c'est un autre débat. Alors, donc, il se dérobe sans cesse, tout en étant toujours présent dans... il a toujours cette, et j'en terminerai par là, ce sera mon troisième cas par rapport à la pastorale, cette particularité sur la sociologie religieuse. Alors là, on ne va pas revenir, puisque c'est le sujet de notre journée en général, sur le contexte de création du groupe de sociologie des religions, on en a déjà beaucoup parlé. Là, c'est Isambert qui monte au créneau, par exemple, en 55, pour avoir une aide technique pour finir le trend report, le fameux trend report, je ne sais plus si on l'avait montré l'an dernier, mais ce trend report qui fonde le groupe, il est là, hein, pas si gros, hein, voyez, publié donc dans Current Sociology, voilà. Ça, c'est... Mais c'est évidemment, en tant que parrain, que le Braz terminera, en quelque sorte, sa, non pas sa carrière, mais sa fonction d'intercesseur pour l'institutionnalisation de la sociologie. Je ne développe pas, et je voudrais juste terminer sur, en fait, le plus, ce qui est peut-être le plus délicat et le plus complexe, et qui est comment le Braz négocie, malgré tout, son rapport avec la pastorale, puisqu'il joue sur l'ambiguïté, et la sociologie pastorale, hein, je veux dire, qui est en train de se développer, qu'il a annoncé d'ailleurs tout à l'heure dans l'introduction que je vous ai lue, en disant que les clercs se préoccupaient désormais de science. On était en 42, c'était déjà le cas avant. Et vous savez qu'il y a cet étrange et double phénomène éditorial de Le Braz, où d'un côté, il est l'Ancien Testament, avec les études de sociologie religieuse d'Henri Desroches. Voilà, ça c'est l'Ancien Testament d'Henri Desroches. Hein. Non mais c'est explicite, hein, il présente ça vraiment comme on réunit l'Ancien Testament, et puis on va faire un Nouveau Testament, et ça s'appellera le groupe de sociologie des religions. Et en parallèle, la même année, il publie avec Leclerc sociologie religieuse et sciences sociales. Si on compare les deux discours, c'est à la fois très proche, et on ne va pas le faire maintenant, évidemment, mais c'est ça qu'il faut aussi faire. Parce que là, alors, on l'a dit, il joue tout le temps de sociologie religieuse, sociologie des religions. L'expression sociologie religieuse est la sienne, sociologie des religions, c'est celle de Desroches. Mais en fait, il se l'approprie en partie, enfin, c'est pas que celle de Desroches, mais en tout cas, c'est celle que Desroches met en avant dans le groupe. Et on avait vu l'an dernier comment, en fait, l'acronyme GSR permettait... C'est GSR, c'est pas GSDR, n'est-ce pas ? Donc on peut traduire en groupe de sociologie religieuse ou groupe de sociologie des religions. Et en fait, dans ses conférences, ou dans tous ses cours, puisqu'il va même donner des cours à la Sorbonne de sociologie générale et de sociologie religieuse sur la fin de sa carrière, je vous montre là juste quelques plans de cours, et puis il va recevoir une commande en 58 du Centre catholique des intellectuels français. Et j'en terminerai vraiment par là, puisque là, on lui demande finalement de faire la synthèse pour les intellectuels catholiques, mais pas simplement pour les sociologues pastoralistes, on va dire, des apports de la sociologie, et en même temps de faire une critique. Alors, il va faire un texte qui est absolument incroyable d'habileté, et de comment se défausser en passant de sociologie religieuse à sociologie des religions. Parce que l'avantage, c'est que dans ce dossier qui est ici... c'est qu'on a la commande, vous voyez, qui date de 58, et on a même l'attendu des... Oui, les attendus, voilà, c'est Lionel Assouad, secrétaire général de ce cercle. Nous venons vous demander si vous voulez bien collaborer à ce cahier, ce qui nous paraîtrait tout à fait indispensable. Nous savons exactement quel sujet vous proposez, etc., etc. Vous pourriez nous donner un important article en dehors du cadre prévu et qui soit un jugement d'ensemble sur ce projet, sur les manières d'aborder la sociologie. Cet article pourrait être mis en préface du cahier. Et on lui donne avec ça une sorte de cahier des charges, projet pour un numéro de réflexion sur la sociologie qui est assez violent. Qui est assez comme critique. Ce numéro devrait certainement comporter une étude sur ce qu'on peut appeler l'école française de sociologie d'inspiration catholique, qui a été il y a 40 ou 50 ans très injustement éclipsée par l'école dite française de Durkheim. Oui, il y a quand même pas mal de ressentiments. Et qui est aujourd'hui à peu près complètement oublié, sauf par quelques spécialistes. Ce courant de pensée par Frédéric Leplay, avec l'école dite de la réforme sociale, par l'abbé Henri de Tourville et Edmond Desmolins, sans compter des chercheurs intéressants comme Dumas Rousson, Gabriel Zambouja, avec l'école de la science sociale, etc. Elle aboutit enfin à Paul Bureau, et en fait, dans son texte, il va réussir à reprendre des références à Paul Bureau, à Leplay, et alors, on n'a pas le temps de le développer, c'est absolument génial. Il va répondre à la commande en redistribuant les cartes. Il aurait été aussi intéressant de rapporter la contribution faite pratiquement à la sociologie par les diverses écoles françaises de géographie, la théologie, et surtout, dans la commande, ça se termine par cette étude. On verra avec un intérêt un article sur, ou plutôt contre l'impérialisme de la sociologie. là c'est quand même bien explicite quand même de quoi il s'agit, hein, c'est-à-dire contre la prétention de la sociologie avec la science universelle du tout au moins suprême, et à vouloir tout expliquer par ses méthodes. Il est possible de faire une sociologie d'à peu près toutes les réalités humaines, mais il faut connaître les remèdes à ce genre d'explication. Il y aurait à faire un procès du sociologisme. 1958. Et le bras, et j'en termine vraiment par là, Dominique, je te le promets, ça c'est la version tapuscrite, écrit un texte qui s'appelle, que vous pourrez regarder pendant la pause qui est là, la sociologie religieuse parmi les sciences humaines. Bon, il reprend beaucoup de choses qu'on connaît. Voyez, définir la sociologie religieuse, classer les sciences humaines, c'est une double occasion de débats et de divergences dont la simple évocation dans les 7 mots d'un titre fait redouter l'orage ou la brume. Voilà, l'orage. Pour conjurer ces intempéries, écartons les définitions et les classifications toutes raides et trop abstraites que nous proposent surtout en Allemagne et aux États-Unis. Pouc, petit coup de... Voilà. Des théoriciens dont nous admirons la science et redoutons l'irréalisme. Donc ils déportent en fait la critique du Durkheimis en partie sur la sociologie étrangère. Si l'on admet qu'il y a des degrés dans la sociologie religieuse et dans la science, l'espoir sera rendu, la certitude sera rendue. Je vais tout de suite à la conclusion pour finir de son texte. La sociologie religieuse vit de l'apport de toutes les sciences humaines et les fait toutes bénéficier de ses propres richesses. Ça, c'est bien écrit. Voilà. Échange fructueux qui aboutit à un progrès considérable de la connaissance. Nul ne contestera que depuis une cinquantaine d'années, grâce aux travaux de Durkheim, boum, donc là, c'est une anticommande, et de Mauss, de Max Weber et de Joachim Barr, des sociologues appliqués à l'étude de l'islam ou du catholicisme, les sociétés religieuses nous ont découvert des formes et des richesses longtemps méconnues ou insoupçonnées. Que cette science nouvelle intéresse la vie présente des religions, ses artisans n'en font point mystère, et les autorités s'en préoccupent. Durkheim, qui, dans un temps de passion brutale, a traité les religions avec dignité comme des faits sociaux et non des supercheries profitables, entre guillemets. Donc là, il s'adresse au cercle des intellectuels catholiques. Donc il est toujours, comme je vous le dis, à contrepoint. Nourrissez l'espoir d'une sorte de règne de la sociologie au-dessus de toutes les religions positives. Ces dispositions engendrèrent chez les autorités religieuses une méfiance naturelle. Depuis les origines chrétiennes, pourtant, et là, c'est là où on voit que c'est quasiment de l'église. Enfin, là, je pense que Dominique va apprécier. Enfin, comme moi, en tout cas. Depuis les origines chrétiennes, pourtant, la connaissance de cette société religieuse, qu'est le diocèse, est un des devoirs de l'évêque, dont le nom même signifie surveillant, enquêteur. La visite et, accessoirement, le synode sont pour lui des occasions de questionnaire et de contrôle. À tous les degrés, une étude minutieuse du peuple chrétien est prescrite. Archidiacre, doyen, curé en ont la charge. Tous ces chefs ont compris qu'une connaissance scientifique vaut mieux qu'une connaissance empirique et que dans les bouleversements actuels du monde, sociologues et psychologues permettent de voir et de prévoir afin de pourvoir. La sociologie religieuse est un excédère de la pastorale. Et roup, on est revenu à la pastorale, dont elle éclaire le champ et suggère les voies d'accès sans jamais empiéter sur la science des principes qu'est la théologie pastorale. Ces utilités pratiques ne menacent-elles point le caractère scientifique? Certes, la perspective d'un évêque, d'un missionnaire, du christianisme ou de l'islam, n'est point, ne peut et ne doit point être celle du chercheur désintéressé. Autorités religieuses et hommes d'action sont naturellement portés à réduire leur curiosité aux problèmes de la pastorale, à constituer des archives secrètes, à se méfier de certaines divulgations. On peut se demander si certaines réserves naturelles chez les autorités ne s'imposeront point aux simples fidèles animés par une vocation de chercheur. Les simples fidèles animés par une vocation de chercheur. Et c'est là qu'on a quasiment le groupe des sociologies des religions en filigrane. Ce n'est point en France où des savants de toutes les tendances, jusqu'aux plus agnostiques, encouragent les scrutateurs du christianisme, sans distinction d'appartenance, que le problème de ces obstacles a été posé. C'est en pays d'islam et de bouddhisme que nous en avons discuté avec des docteurs, et même un agrégé musulman avec de savants bronzes. L'appartenance à une société religieuse qui procure d'immenses commodités dans la recherche et l'immédiate compréhension des faits, des facilités pour leur explication, ne crée-t-elle point une double limite? Demandera-t-on à un musulman de présenter le Coran comme la simple dictée de la société où il prit naissance et de décrire froidement les maladies de l'islam? Peut-on sans absurdité croire à une révélation divine et en interpréter les termes comme une sécrétion de la conscience collective? La position du savant qui professe une religion positive est donc sur quelques points commandée par sa foi et sa discipline. On souhaiterait que tous les fidèles d'une église ou d'une communauté ou d'une secte, tous les membres d'un parti, fissent loyalement cette confession, l'aveu d'une réserve que leur raison accepte. Cette franchise les mettrait à l'aise pour répondre à toutes les exceptions que leur opposeraient des critiques dont la bonne foi et souvent la bienveillance ne sont point douteux. Donc, tout ça pour vous montrer la complexité rhétorique et les replis qui permettent de justifier absolument cette espèce de double jeu de miroir entre la sociologie, la pastorale et même la fonction quasiment inquisitoriale, pourrait-on dire. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça, d'autant plus que là c'est un texte de synthèse. Mais voilà, c'était pour vous montrer comment finalement, en se mettant tout le temps en porte-à-faux, il parvenait à garder son indépendance, pourrait-on dire, jusqu'au bout, tout en étant considéré comme une relique vivante de Durkheim, et en étant d'ailleurs celui qui préside le centenaire de sa mort en 1960, puisque la cérémonie, prévue en 1958, l'année même de ce texte, avait été reportée pour cause d'Algérie, et elle n'a eu lieu qu'en 1960, ce qui a permis du coup à Lévi-Strauss d'y participer aussi, puisqu'entre-temps il était prof au Collège de France. Je vous remercie. Bien, alors, l'exemple de Yann sera bien sûr à ne pas suivre. Ce qui ne veut pas dire que la matière ne méritait pas un exposé de cette ampleur. Écoutez, moi je propose qu'on saute la pause, hein, parce que sans ça on ne retombera pas sur nos pieds. Et de... Oui, voilà, c'est sa technique, et puis on peut se lever aussi pour prendre du café si vous voulez. Et sans plus attendre, je vous invite à alimenter la discussion sur, évidemment, un exposé qui laisse entrevoir toute la richesse d'un travail méthodique et continu sur le Brass. Alors là... J'allais dire le bras en train de se faire sur le plan institutionnel, et puis ce moment fondateur pour nous là de la mise sur pied du groupe de sociologie religieuse. Voilà. Je vais vous faire une petite remarque. Oui. Pour le texte du rapport envoyé à la Fondation Warren Collat, dit que le bras, c'est de la tendance maritaine. Oui. Je fais remarquer que, premièrement, ça n'est pas que quelqu'un le déclare, ça n'est pas une preuve. Et deuxièmement, mon hypothèse est que ça n'est, le nom maritaine n'a été cité que ad hoc, parce que dans le milieu des États-Unis, à ce moment-là, New York, etc., le nom maritaine était important. Voilà, on connaissait ce type, on savait où il avait été pendant la guerre, on savait qu'il était maintenant au Vatican, etc. Donc, on avance un nom connu, voilà. Mais Il n'y a aucun rapport de Le Bras avec... sur le fond, la tendance maritaine. Oui, enfin, disons que c'est plus compliqué que ça, sans doute. Mais voilà, oui, tout à fait. Non, mais ce rapport, de toute façon, est très schématique, hein, est vu de loin. Hein, donc, oui, c'est une façon de le classer, oui. De le classer qui est approximative, mais qui n'est pas non plus sans exactitude ni sans intérêt. Oui. Ah non, bien sûr, de toute façon, tout est à prendre avec des pincettes dans ce rapport, parce quand il dit... Dans le rapport aux Américains, quels sont les noms français qu'ils connaissent? Oui. Voilà, c'est seulement ça. Ils ont une connaissance limitée des noms français des catholiques, donc on en est quand même un qu'ils connaissent bien, parce qu'il a été là en 43, 44, etc. Et voilà, c'est ça. Je ne voulais pas prendre position. Non, bien sûr, mais... De toute façon, c'est un type de document qui est très difficile à interpréter, hein, parce qu'on a... Voilà, Gottman, en plus, sa position à ce moment-là, il est en recherche, il cherche à s'implanter aux États-Unis, il va y rester d'ailleurs. Donc, je vous enlève après, parce qu'il y a Dominique. Alors, on enlève le cache. Non, mais c'est pour enlever le cache, parce que sinon, tu vas être ébloui. Non, ça va. Ah non, c'est bon. Voilà, non, mais c'est ça que je veux dire. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que... Il faut lire tout le portrait, effectivement. Ils n'arrivent pas complètement à comprendre comment qu'un juriste catholique peut aussi enseigner le droit soviétique en 1948. Voilà, ça c'est quelque chose qui... ils connaissent l'Union soviétique, enfin ils croient la connaître, et puis ils connaissent le maritain, mais bon, on ne voit pas comment les deux peuvent se coller. Si je pouvais poser une question, quelle agrégation de droit il a passé? Est-ce que c'est l'agrégation de droit romain? Il a passé l'agrégation de droit romain et aussi. Il a passé l'agrégation de droit romain, mais aussi il est docteur en histoire du droit et en du droit canonique et en droit romain. Il a une double thèse. Docteur de l'université. de Paris. Parce qu'en fait, après avoir commencé ses études à Rennes, à 14, il passe, en 11, il arrive à Paris. Il continue ses études surtout entre 14 et 19, 20. Il passe la grecque en 21 à Paris. Quoi. Donc, voilà. Et il est nommé à Strasbourg qu'en 21, il y est catapulté pour le coup. Et notamment, il reprend l'Institut qui s'appelle de droit canonique, d'ailleurs, ou l'Institut supérieur de droit canonique, qui est évidemment un des joyaux à Strasbourg. Oui. Et ça, il le gardera jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, on voit souvent dans ses papiers marqués Strasbourg, parce qu'il continue à être prof à Strasbourg, à faire des cours à l'Institut de droit canonique de Strasbourg jusqu'à la fin. Mais lui, sa fac, c'est Paris. Et puis je vous dis, dès 31, il revient. Il est professeur de droit à la Sorbonne. Et ses liens avec Paul Fournier ? Très fort. Très, très fort. Oui. Extrêmement fort. Et avec Genestal aussi. Ouais. Alors là, c'est plutôt pour le club des médiévistes. Même si Genestal meurt assez vite, il y a même eu certainement un projet de mariage avec une fille de Genestal, ce qui aurait été dans la logique matrimoniale d'un bon prof de droit. Fournier, il le rencontre en 14, donc il travaille avec lui, et même vraisemblablement à la ville Savary, il y a des fragments de papier de Fournier. Il a récupéré pas mal de papier de Fournier, et vraisemblablement même de correspondance de Fournier. Donc il était, je pense, très proche, d'autant que Fournier, je crois, est mort assez isolé. Enfin, il a. Mais Genestal, c'est très important aussi. D'autant que je suis sur une piste d'archives Genestal. Comme ça, c'est un autre débat. Voilà. Genestal, c'est important quand même pour le droit canonique. Bien sûr. Oui. En plein de savoir, j'avais une remarque et un peu de détail, mais enfin, pas tant que ça en ce qui concerne l'histoire de la sociologie, et puis une question. Alors, la remarque, ça concerne le sens de documentation sociale. Mm-hmm. Vous avez qualifié, je crois, de Durkheimien, de néo-Durkheimien. Bon. Non, pas tout à fait. J'ai dit que c'était un lieu de passage pour des néo-Durkheimiens. Parce que le centre de documentation sociale, bon, certes, il est dirigé par le privé, ne se situe sûrement pas dans une perspective d'ordre théorique qui était celle de Durkheim. C'est pour ça que je dis néo-durkheimien. Oui, néo, plus durkheimien du tout, à mon avis. Enfin, bon, si vous voulez appeler néo des gens qui ne le sont plus, mais qui succèdent. Ah, c'est pour ça qu'on utilise néo, c'est bien pour montrer que ce n'est pas des durkheimiens. C'est ça parce que. Regardons les travaux qui sont faits au centre de documentation sociale et n'ont rien de sociologie durkheimienne, premièrement. Deuxièmement, j'ai eu la possibilité, il y a une trentaine d'années, d'avoir un entretien avec Raymond Aron et un autre avec Georges Lefranc, qui est très bien le centre de documentation sociale, et qui ne revendiquait sûrement pas que ce centre était durkheimien, ni même néo-durkheimien. Voilà, ça c'est un point parce que ça fait partie quand même des choses qui circulent, qui sont dites un peu hâtivement dans les histoires de la sociologie. Je crois que ça aussi, comme vous aimez les choses précises et de détail, ça aussi ça doit être révisé, en tout cas regardé de très près. Et puis ma question, c'est dans un texte de Le Pras auquel vous avez fait allusion, il semble avoir une connaissance assez précise de la science sociale issue de l'anglais et ses différentes branches. Enfin, il est capable de les nommer sans se tromper. Ma question c'est, d'après vous, comment avait-il eu connaissance de cette science sociale ? Question subsidiaire, est-ce que ça ne serait pas par le biais de Roger Grand, qui est professeur d'histoire du droit à l'école des chartes, et qui va être en 1945 le réunificateur des deux branches issues de Le Play, en l'occurrence la Société d'économie et de sciences sociales, à laquelle Le Bras va adhérer. Et, de laquelle il aura une activité faculté d'économie et de sciences sociales. Tout ça pour dire que le Bras sociologue, c'est le Bras, pas simplement référé pour moi à l'école française de sociologie telle qu'elle s'auto-qualifie, c'est-à-dire le Durkheim et la suite, et que c'est le Bras par rapport à l'ensemble de ce qui constitue la sociologie, non pas dans son acception étroite et restrictive, et l'acception, on va dire, durkheimienne ou néo-durkheimienne. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle, finalement, il occupe une position tout à fait stratégique. Là, on a une assez bonne idée. Écoutez, moi, je suggère par réalisme que nous interrompions la discussion là. Et étant donné que vous avez été un grand nombre à arriver de façon perlée et qu'on est loin d'avoir tous vos coordonnées, là, je refais passer la feuille. C'est le verso qui reste à remplir. Donc, je passe, donne la parole à donc, pour le prochain exposé à Yvon Travouez sur Émile Poulain. Donc, on se tient à 30 minutes, Yvon. Oui, désolé. Bien. On m'entend là, ça va? Une biographie intellectuelle d'Émile Poulain ne sera vraiment possible que lorsque ses archives et sa bibliothèque, qu'il a confiées à l'Institut d'études avancées de Nantes, où elles sont déposées, auront été classées, inventoriées et mise à la disposition des chercheurs. Cela prendra un certain temps, un an ou deux, j'imagine, compte tenu de l'ampleur du fonds, 350 cartons, près de 30 000 volumes. En attendant, nous ne sommes pas démunis. Émile Poulain aurait été le premier à nous le dire, lui qui s'est toujours élevé contre le préjugé de l'inédit. Or, sa bibliographie est considérable, 34 livres, dont beaucoup, il est vrai, sont des recueils d'articles, plus de 700 articles ou notices de dictionnaire, des milliers de comptes rendus. Tout cela constitue une masse documentaire qui s'offre à notre réflexion. Le colloque organisé par Valentine Zuber en 1999 en a fourni une première occasion. Le numéro d'hommage qui se prépare aux archives de sciences sociales et de religion sous la direction de Frédéric Bugelot en sera une autre. Et il y a eu, au fil des années, quelques controverses significatives surgies à l'occasion de ces publications ou de celles de ses contradicteurs. Alors pour ce travail, je suis à la fois l'un des mieux et l'un des plus mal placés. Je suis, sauf erreur, le seul historien de formation à avoir soutenu sa thèse sous la direction du sociologue qui était administrativement Émile Poulain. Mais par cette proximité, je manque de distance critique. Heureusement, j'ai la chance d'avoir à ma porte, à Brest, un excellent ami, André Rousseau, qui est un affidé de Pierre Bourdieu. Comme vous pouvez l'imaginer, dans ce compagnonnage insolite, chacun tient l'autre en respect. Chaque fois que je dis le catholicisme, André me répond non, les catholiques, et réciproquement. Et nous touchons ici à l'un des aspects, et non des moindres, de la question à laquelle il m'a été de demander de réfléchir aujourd'hui. Alors je vois au moins trois dimensions au problème. Celui du rapport d'Émile Poulain à l'Église catholique avant et après son abandon du sacerdoce. Celui de son inscription dans l'institution scientifique au sens large. Et enfin celui du mode d'approche et du traitement du catholicisme dans son travail de chercheur. Il y en aurait un autre, mais plus difficile à documenter, celui de son rapport au Parti communiste. Je n'en dirai donc rien. Alors, premier point, Émile Poulain, né en 1920, a été ordonné prêtre pour le diocèse de Paris en 1945. Il a été professeur de français au petit séminaire de Conflans de 1945 à 1948, 3 ans pendant lesquels il a passé successivement une licence de lettres classiques en 1946, une licence de philosophie l'année suivante, à la Sorbonne toujours, puis sans assister au cours, une licence de théologie en 1948 à Strasbourg. Lecteur de français à la faculté de théologie de l'université de Fribourg-en-Brisgau durant l'année universitaire 1948-49, il y prépare un doctorat de théologie qu'il soutiendra en janvier 1950. D'octobre 1949 à mars 1954, il est membre de la mission de Paris. Sans être prêtre ouvrier stricto sensu, il travaille dans une compagnie d'assurance, puis à partir de 1952, comme assistant de laboratoire dans une entreprise d'électrométallurgie à Grenoble. En mars 1954, il fait partie de ceux qui refusent la décision prise par la hiérarchie épiscopale d'arrêter l'expérience des prêtres ouvriers. L'été suivant, il met en forme le livre blanc des prêtres ouvriers insoumis, publié par les éditions de... Pas du tout à suivre ou à appliquer les théories qui développent d'une manière plus générale Ça, c'est un avis à peu près personnel, mais bon, peu importe. Mais voilà, je crois que c'est l'idée qu'on aimerait ici développer à partir du cas des anthropologues. Alors pourquoi ? Parce que les anthropologues, comme d'autres, permettent d'avoir ce retour sur eux-mêmes et permettent de documenter ce retour sur eux-mêmes à partir de l'expérience d'une rupture fondamentale, puisqu'on travaille sur la continuité, on avait besoin d'expériences de rupture où, justement, il fallait travailler la suture. Et cette suture qu'on trouve dans les carnets terrain, qu'on peut trouver dans des journaux, qu'on peut trouver dans des autobiographies. Et donc, notre conception à ce stade-là du projet de la biographie, telle qu'on voudrait la développer, ça serait plutôt une biographie des différents actes autopoétiques, en quelque sorte, qui, dans certains cas, prennent une forme autobiographique, et qui, dans quelques cas encore plus rares, peuvent prendre l'allure d'une véritable autobiographie qui est rédigée, publiée, dans certains cas, etc. Mais c'est ça un petit peu l'ordre des choses qu'on voudrait essayer de retracer à partir de quelques cas de figure d'anthropologues, on va dire, de la fin du XIXe siècle, jusqu'à des anthropologues contemporains de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà la présentation du projet qui est en écho avec plusieurs des propositions qui ont été faites. Merci Nicolas, je pense qu'on va peut-être vous entendre vraiment tout de suite les uns après les autres, puis on échangera ensuite. Bien, merci. Merci Teresa de m'avoir invité. Je suis désolé, malheureusement, je pensais pouvoir venir ce matin et je n'ai pas pu. Donc, effectivement, j'ai assisté aux présentations cet après-midi. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout un spécialiste de sociologie des religions, même si c'est un sujet que j'ai. Aborder parce que je travaillais sur un corpus de 27 récits autobiographiques de sociologues dans lequel il n'y avait pas de spécialistes patentés de sociologie des religions, mais beaucoup de gens qui, divers, connaissaient ces personnes-là. D'ailleurs, donc j'avais un corpus de 27 personnes qui sont passées à un séminaire, c'était l'histoire de l'Église théorique qui a eu lieu à Paris 1794. Et donc nous avons un corpus qui est maintenant beaucoup plus important que 27, mais moi j'ai fait mon habilitation là-dessus, c'était en 2004, donc j'ai travaillé sur les 27 premiers. Et donc, on avait un échantillon qui n'était pas représentatif, mais assez significatif, puisqu'on avait tous les sociologues un peu marquants, les Bourdieu, Bouton, Touraine, Moscovici, etc. Et puis d'autres universitaires peut-être moins connus ou moins emblématiques. Et ce qui pose d'ailleurs une question d'ailleurs de la reconnaissance par le milieu qui était un petit peu évoqué tout à l'heure. Alors, par rapport à ce qui était vu, je vais juste exposer peut-être très brièvement l'écart entre ce que moi j'ai fait et la situation que j'ai vue ce matin. Parce que moi je travaille sur des autobiographies, alors que là on est sur des productions biographiques. Pour moi c'est pas la même chose. Et puis peut-être quelques éléments de résultats qui sont dans le livre et qui peuvent, je pense, intéresser d'ailleurs. Bien là, ça va commencer à en évoquer certains et je pense qu'il y a des points de contact qui peuvent être intéressants. Alors, j'ai travaillé sur des récits autobiographiques de gens qui sont venus raconter leur vie au sens propre du terme, dans un séminaire de labo, et la problématique de ces autobiographies, c'était est-ce qu'ils voyaient des liens dans leur vie personnelle entre ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils avaient produit. Bon. C'était une question assez vaste, et les gens s'en sont emparés comme ils ont voulu, il n'y avait pas de contraintes. Et il y a des fois, d'ailleurs, on a eu des récits qui sont un peu homogènes, c'est-à-dire qui sont homogènes en termes de temps, de durée. Les récits ont été retranscrits, écrits, publiés, et ils font entre 20 et 40 pages, et avec des parties, il n'y a pas de plan particulier, il n'y a pas de contenu standard. Ce sont des autobiographies, et ce qui est intéressant dans l'autobiographie, c'est que dans l'autobiographie, l'auteur est toujours un amateur. C'est-à-dire que la biographie, elle, est une activité savante, une activité d'historien, mais l'autobiographie, c'est toujours une activité où finalement on est amateur de ce travail-là, puisque ce n'est pas le métier professionnel d'autobiographie. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a déjà été évoqué dans les essais d'Ego Histoire avec tous les historiens qui ont justement exprimé la difficulté qu'ils avaient à faire leur autobiographie. Alors que la biographie, évidemment, ça c'est une activité qui est, sans remonter à Diogène Laërce ou à Plutarque, mais en tout cas qui a une sacrée tradition, il y a des écoles, il y a des manières de faire, ça peut être considéré comme une partie de l'histoire, il y a une extériorité, et une extériorité qui est à la fois dirais, théorisées, qui peuvent poser problème, puis aussi des manières de, des styles, hein, je pense que sur la manière de faire, par exemple, des biographies en Amérique du Nord, il y a peut-être des traditions qui sont un petit peu différentes. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'autobiographie, bon, il y a aussi tout un cursus. Moi, je vais travailler à partir notamment des travaux de, du grand spécialiste du pacte autobiographique, Philippe Lejeune, mais je vais travailler aussi à partir de l'analyse historique, l'analyse de sociologie des sciences. Moi, je viens plutôt de la sociologie des sciences et de l'épistémologie, j'ai fait ma thèse autour de l'épistémologie. Et puis, à partir aussi d'une analyse lexicographique. Mélanger un petit peu ces différentes analyses pour voir ces textes autobiographiques. Et les textes autobiographiques sont des objets qui sont un petit peu hors normes et pas faciles à appréhender. J'imagine que vous connaissez le projet de, autour de l'itinéraire. Hein, effectivement, on essaye d'aborder des textes autobiographiques qui apparaissent à travers les mémoires d'HDR. Hein, et on commence à avoir un matériau qui est vraiment intéressant. J'ai parlé, j'étais invité par François Noss justement à parler de ça. Et donc l'autobiographie, c'est un objet bit, hein, c'est-à-dire c'est un objet qui suppose de faire confiance à la parole, mais en même temps la remettre en cause. Et d'ailleurs, on peut aussi exercer pour quelques-uns des autobiographes que j'ai utilisé, dont j'ai utilisé des textes, comme Edgar Morin par exemple. Edgar Morin, quelqu'un qui a fait beaucoup d'autobiographies. Qui dit des choses différentes d'une autobiographie à l'autre. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce matériau-là? C'est pour ça que je suis assez d'accord avec Philippe Lejeune, il dit que l'important, ce n'est pas que l'autobiographe dise le vrai, c'est qu'il dise qu'il dit le vrai. Et finalement, l'écart qu'il y a, par exemple, chez Crozier, entre son autobiographie en deux tomes et puis l'autobiographie courte qu'il fait dans le séminaire, ce qui apparaît dans l'autobiographie en deux tomes, c'est la honte qu'il a quand il revient de la guerre parce qu'il a fait le STO, il a fait la résistance. Et donc, pour effacer cette honte, il va partir aux États-Unis et finalement se laver aux États-Unis de cette espèce de nom propre qu'il ressent. Mais ça, cette honte-là, elle n'apparaît que dans une autobiographie, elle n'apparaît pas dans l'autre. Et sans ce moment-là, on ne peut pas très bien comprendre le pourquoi de ce départ aux États-Unis. Et donc, on a des textes qui sont à la fois toujours incomplets et en même temps qui ont toujours une volonté de complétude, mais qui, finalement, ne peuvent donner du sens que dans la multiplication des regards et la multiplication des analyses. Alors maintenant, très brièvement, parce que nous sommes en très retard, parce que j'ai été dit, quelques éléments de résultats qui m'ont fait penser à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, Pierre Lassalle a cité une partie où je parlais de parthénogenèse. Alors, la parthénogenèse, c'est un peu un fantasme que j'ai vu chez quelques auteurs en sociologie. Hein. Je fais une généralité, et évidemment, travailler sur 27 récits autobiographiques ne m'autorise pas à faire des généralités. Mais, que ce soit chez Edgar Morin, que ce soit chez Serge Moscovici, que ce soit chez Pierre Bourdieu, il y a le désir d'expliquer que l'on s'est fait tout seul. C'est-à-dire, avant soi-même, il n'y avait rien. Et non seulement on s'est fait tout seul, mais on est créateur d'une nouvelle tradition, des créateurs de nouveaux genres. Donc ça pourrait être, dans les termes de Guérien, un fantasme charismatique. Hein, chacun peut le prolonger. Mais ce fantasme de partie de Genèse fait partie d'un concept plus général qui est ce que j'ai appelé, mais à la suite d'autres, le bricolage intellectuel. C'est-à-dire que les théories sont récupérées, sont métabolisées, mais elles ne sont jamais obligatoirement métabolisées comme les premiers théoriciens eux-mêmes l'entendaient. Et donc, on arrive à mélanger des cartes et des lapins. On peut mélanger effectivement, je ne suis pas plus surpris que ça, du marxisme avec de la religion. Hein, on peut mélanger de la sociologie et d'autres choses. Et le mélange se fait de façon formelle ou informelle, explicite ou implicite. Parce que quelquefois, la sédimentation due aux trajectoires, le fait de passer... Pour tous, hein, il faut bien voir que sur le corpus que j'ai fait, il y en a 4 ou 5 qui ont été formés en sociologie, alors qu'ils ont tous été sociologues. Tous les autres, pour des raisons administratives que tout le monde connaît, ont fait qui de la philosophie, qui de l'histoire, qui quelquefois du droit, qui d'autres choses. Mais ces trajectoires sont des trajectoires académiques et cognitives, sont aussi des trajectoires qui vont sédimenter, finalement, et laisser des strates théoriques, des strates de morceaux théoriques qui vont être... qui vont être métabolisés dans quelque chose qui va être une théorie propre souvent. Hein, on se la question de savoir quelle était la théorie propre de tel ou tel, mais dans certains cas, il y a une théorie propre, il y a un attelage propre ou un alliage propre qui est fait. Et cette notion de bricolage intellectuel, moi, je pense que je n'ai pas bien l'œuvre des Roches, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve là, de même qu'on peut le retrouver chez le Certeau, de façon assez éclatante. L'autre chose qui me paraissait importante, alors, bon, il y a les bifurcations et les rencontres, hein, c'est-à-dire qu'il y a des bifurcations, c'est-à-dire des moments avec des événements qui vont faire date. Hein. Vous avez parlé de l'année 51, le passage 50-51, etc. Dans beaucoup de récits autobiographiques, il y a le moment, la date. Mais la date n'est pas obligatoirement la même selon le moment où on fait l'autobiographie. Mais peu importe, en définitive. C'est-à-dire qu'on peut dater des transformations. Et ces transformations, c'est quoi ? Ben, c'est les transformations d'un sujet dans son inscription. C'est-à-dire, moi, je développe l'idée d'une intermittence du sujet. C'est-à-dire qu'on a des acteurs, comme des sociologues, qui, à un moment donné, sont, par exemple, dans l'exemple de Robert Castel, il est remarqué par des profs, il va faire Cagne, il se retrouve agrégé de philosophie et il est en lycée, il est déjà bien content parce qu'il est fils d'ouvrier et c'est déjà inespéré dans les années 50 pour lui. Et puis à un moment donné, par une rencontre, mais il accepte un poste d'assistant. Il va être assistant de Veil, je crois, à Lille. Et c'est à Lille qu'il va rencontrer un autre assistant qui est Pierre Bourdieu. Et la rencontre avec Pierre Bourdieu va finalement le faire basculer de la philosophie à la sociologie, avec premiers travaux sur la photographie, et puis après, à Paris, il va prendre son envol. Mais finalement, à chaque moment, il y a des décisions qui sont prises, le sujet s'empare de quelque chose, prend une décision de sortir du cadre un petit peu du lycée dans lequel il aurait pu faire toute sa vie, il prend la décision, il accepte la proposition qui lui est faite, il prend la décision de partir de la philosophie, ce qui est confortable, pour aller vers cette discipline en reconquête, et un petit peu neuve, et encore un peu incertaine, qui est la sociologie. Là, il prend une décision, et après, à chaque fois qu'on prend une décision comme ça, on est porté par un dispositif, par un contexte, par des collectifs de pensée, pour prendre la terminologie de Fleck, ou des styles de pensée, dans lesquels on va s'installer. Donc on n'a pas des individus qui sont dans une splendeur solaire, où ils sont des acteurs rationnels et stratèges, qui décident à tout moment ce qu'ils vont faire, et on n'est pas non plus dans des individus, j'irais dominer, ou je dirais assujettis à la force des prédispositions. Voilà. Un dernier élément, mais qui me semble moins apparent, enfin, il y a d'autres éléments qui apparaissaient dans ces résultats sur les sociologues, mais dans beaucoup de cas, j'ai été surpris de la prégnance de la souffrance hein, dans le récit autobiographique. Et de l'articulation qui est faite entre un discours sur la souffrance et la transformation de cette souffrance en projet de recherche. Et l'articulation qui est faite dans le récit autobiographique sur, finalement, la souffrance pose question et la question va être résolue, c'est-à-dire que la recherche fait réparation. Il y a quelque chose de l'ordre de la réparation, la recherche, et ça c'était quelque chose qui m'étonnait. De la même façon que l'analyse lexicographique m'a fait remarquer qu'effectivement il y a une figure du père qui émerge dans les récits biographiques. Et là je suis retourné dessus et je n'ai pas encore vraiment d'hypothèse. Une des hypothèses dans laquelle la sociologie, c'est qu'on peut mettre sociologue, fils de sociologue, dans cette France-là, de ces années-là. Donc, être sociologue, c'est faire une rupture par rapport à des milieux, par rapport à des traditions. On peut être juriste, fils de juriste, on peut être médecin, fils de médecin. Mais il y a nécessairement une rupture. Mais ce qui est très intéressant, et ça, il y a tout de suite un chapitre qui s'appelle « Au nom du père », c'est de voir comment il négocie, comment il raconte les conflits éventuels, les ruptures éventuelles hein, par rapport à des traditions. Et là, je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous. Voilà. Merci. Et moi aussi, j'ai trouvé tous les exposés que j'ai écoutés ce matin et cet après-midi vraiment passionnants. Et je remercie Yann Boutin et Pierre Lassalle de m'avoir invité parce que c'est des rapports. De matériaux aussi pour mes travaux. Donc, comme l'a rappelé Céline, j'ai effectivement écrit il y a quelques années un article qui portait sur les rapports entre l'œuvre et la vie, un questionnement de ce qui pourrait faire le lien entre écrit une biographie, l'œuvre et la vie, et de point le chemin manquant, comme on l'a parler de ce gênant manquant, je voulais vous dire ce qu'est ce gênant manquant. Et ce gênant manquant, c'est le travail. Donc, c'est-à-dire, ce que je propose, tout simplement, c'est de, comme on s'intéresse à la, aux scientifiques, aux savants, et de raconter, de décrire, ou tout simplement de restituer sa vie et son existence, il y a toujours un aspect essentiel des activités scientifiques qui est ignoré et qui est sous-estimé par la plupart des approches. Car le savant, le scientifique, conjointement à la création des savoirs et des dispositifs de sociabilité académique, se crée aussi lui-même en tant qu'être humain, dont la vie est vouée en grande partie ou totalement, et c'est ce qu'on a pu voir lors des, enfin, entendre lors des différents exposés de cette journée, l'individu donc, scientifique se crée lui aussi dans cette vie qui est entièrement vouée au travail. Et là, il convient d'entendre le travail dans un sens le plus large possible et aussi dans sa veine la plus intime et personnelle. C'est ce qu'a rappelé aussi en filigrane, tout au moins Daniel Hervé-Léger, en évoquant cette cure d'âme. Donc dans cette veine la plus intime et personnelle, avec tout ce que le travail suppose de persévérance, de patience, de constance, d'effort continu, c'est-à-dire de discipline quotidienne qui régit la totalité de l'existence. Et en écoutant l'exposé à propos de Émile Poulard, il me semble que vous avez bien rappelé, vous avez cité ce passage, il dit « ce n'est pas la discipline qui m'intéresse comme domaine, comme lotissement, mais comme hygiène, non pas de vie, enfin c'est ce que j'ai entendu moi, mais hygiène pour l'esprit. » Mais au fond, il parlait aussi d'une hygiène de vie. Enfin, il me semble qu'on peut aussi entendre cela comme hygiène, une hygiène de vie. Donc, il y a une discipline quotidienne qu'il faut mettre au jour et qui va régir la totalité de l'existence. Car travailler implique d'organiser sa vie d'une certaine manière, mais aussi de dérober du temps à la vie, de donner à l'ensemble de sa vie une forme singulière. Donc ce sont ces aspects qui sont développés dans l'article dont a parlé Céline. Et c'est pas vraiment sur cette question qui me paraît importante, enfin, sur laquelle j'aimerais revenir aujourd'hui, parce qu'il me semble que c'est un léger décalage par rapport à votre projet. Avant ces travaux donc sur le travail comme gênant manquant entre l'œuvre et la vie, et que j'ai élaboré au travers du concept d'œuvre-travail pour opposer à l'œuvre contenue, enfin, l'œuvre accomplie et l'œuvre en train de se faire, l'œuvre en train de, comme le produit d'un travail quotidien. Alors j'ai réfléchi dans le cadre de mon séminaire sur l'enquête biographique, son utilité, ses vertus pour les historiens des sciences ou les sociologues des sciences, pour comprendre un certain nombre d'aspects de la science, comment est-ce qu'elle se fait. Mais aussi j'ai travaillé sur l'enquête biographique pour comprendre l'émergence d'une discipline. Et ce qui me semble plus proche de votre projet collectif, parce que j'ai tendance aujourd'hui. Et la discipline à laquelle je m'intéressais était beaucoup moins romantique que la vôtre, c'était l'informatique. Mais néanmoins, c'est qu'il s'agissait de comprendre l'institutionnalisation d'une discipline au travers de la rencontre, du croisement de plusieurs, j'ai entendu ce terme plusieurs fois, trajectoires scientifiques, carrières académiques, existences de savants. Mais ce qui m'a particulièrement, c'est pour vous situer un peu mes centres d'intérêt. Ce qui m'a particulièrement frappée dans ce au fond, portrait de groupe qui s'est peu à peu esquissé au fil de la journée, c'est bien évidemment les récits que vous avez pu faire de vos sujets, de vos personnages, voir comment, si on imagine un tableau, comment certains sont au premier plan, d'autres sont plutôt au second plan. On a vu le cas de Isambert qui ne savait pas parler, pourquoi son DG. J'ai écouté avec une oreille, très, très attentive et en même temps très détachée, dans la mesure où pour moi c'était, évidemment je connaissais tous ces noms et quelques bribes, quelques fragments de ces existences et de leurs travaux, mais qui pour moi restent tout de même des personnages inconnus, dans le sens où je ne me suis jamais penchée sur leur existence. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir un peu ce clair-obscur qui s'est détaché. Mais c'est aussi de voir que dans, vos recherches, il me semble, dans l'enquête que vous avez, que vous cherchez à mener collectivement, vous, il y a évidemment à établir un lien entre l'œuvre produite par ces savants, ces scientifiques, et leur vie, leur existence, à quoi leur vie, leur existence au sens d'une vie vouée au travail, mais aussi au sens d'un parcours professionnel, académique, de scientifique. Mais il y a aussi une autre œuvre qui est l'œuvre collective, qui est la fabrication, élaboration, fondation de ce groupe de recherche d'histoire des religions. Donc c'est aussi une œuvre collective qui est le fruit de ces existences et du croisement de ces existences. Et il y a une autre question à laquelle je m'étais penchée, qui à mon avis peut aussi intéresser votre projet collectif, qui est la suivante, c'est: dans quelle mesure l'enquête biographique mènerait-elle à une expérimentation reproductible ? Poser cette question revient non seulement à interroger les motivations des biographes, mais surtout aussi à évaluer la possibilité de les objectiver. Je me suis amusée à penser, que se passerait-il si vous échangiez vos sujets ? La question, donc, c'est une expérience de pensée, tout simplement, car il y a effectivement un rapport très particulier. Il m'a semblé que chacun des personnes qui sont intervenues ce matin et cet après-midi entretient, pense avoir entretenu et revit dans ce travail d'enquête biographique qui est mené à présent. Et il m'a semblé percevoir chez chacun des orateurs à divers instants, des moments d'émotion plus ou moins manifestes. Et donc c'est cette question du parce que vous avez, en plus d'être biographe et d'être dans cette activité de biographique, il y a une superposition avec des témoignages. Et il y a aussi beaucoup de non-dits. Moi j'ai entendu quand certaines remarques, d'autres faire ah oui. Donc on voit bien que il y a un sujet, collectivement, se construit quelque chose en deçà, au-delà ou en filigrane du travail personnel de chacun. Et donc ce qui m'a, du point de vue aussi de mes centres d'intérêt, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est de voir justement là, à l'œuvre, dans cette œuvre collective qui cette fois-ci est la vôtre en tant que biographe, comment vous pouvez reconstituer l'œuvre collective, la constitution, l'élaboration, le travail d'élaboration de l'œuvre collective qui se manifeste au travers du groupe du GRS, un groupe de recherche auquel vous appartenez tous, pour la plupart d'entre vous. Donc, quel lien établir entre ces différents, les effets de miroir et des effets de communication, où on peut entrevoir, en tous les cas, les rapports entre le biographe et le sujet biographique. Et il m'a paru intéressant aussi de voir que quand on fait la biographie, même ses vies, au fond, même si on s'en défend toujours, il y a un cahier des charges qui se trouve dans ce travail biographique. Peut-on expliciter, certainement vous l'avez fait, expliciter ce cahier des charges à la fois collectif, qui est de faire une sorte d'histoire institutionnelle à travers ces récits biographiques et le croisement de ces trajectoires, et quel est votre cahier des charges personnel, si je puis dire, à la fois personnel de la part de votre investissement personnel, mais aussi un cahier des charges qui pourrait, par exemple, c'est revenu à l'esprit en écoutant l'exposé sur François et sur Isambert, on sent qu'il y a c'est mon intuition, un vague projet de réhabilitation, enfin lui redonner le mettre dans toute sa lumière, ce qu'on a dit. Enfin, il a été insisté plusieurs, on a insisté plusieurs fois que c'est quelqu'un qui s'exprimait très mal, par exemple. Donc il n'a pas laissé un souvenir mémorable, en tout cas, par son art oratoire. La personne, le personnage de Segui, je trouve, alors c'est pareil, ça correspond à mon écoute personnelle, mais particulièrement émouvant. Ça m'a tout de suite fait penser, j'ai pu avoir la confirmation avec Daniel Arrieux-Léger, aux travaux de Sertillon, donc lui-même jésuite, et qui a écrit « La vie intellectuelle ». Et donc qui va dans le sens de mon œuvre de travail et mon questionnement sur la forme singulière que le travail scientifique donne à l'existence. Et Daniel Hervieux-Léger m'a confirmé que c'était une des lectures récurrentes, peut-être pas son livre de chevet, mais une lecture importante pour Segui. Donc on voit qu'il y a tout on peut tisser toutes sortes de fils entre le mode de vie, la valeur symbolique de ce travail de recherche pour à la fois chacun des sujets que vous étudiez, pour vous-même, et dans quelle mesure aussi ces vies que vous cherchez à reconstituer en tant que trajectoire participant à la fabrication d'une œuvre collective qui est le groupe de recherche, de quelle manière elles ont participé, puisque on sent bien que vous avez choisi vos sujets avec un certain... C'est pas au hasard, c'est pas le fruit du hasard. Même si on s'en défend parce que c'est pas politiquement correct de l'avouer, il y a une visée aussi, ces vies sont édifiantes en quelque sorte, dans le sens où elles fonctionnent comme modèle. Et il m'a semblé, en écoutant André-Marie, je suis sûre que c'est plus que l'intuition. Mais pour chacun d'entre vous, après chacun a insisté sur certains des aspects. Et donc je pense que cette part édifiante n'est pas du tout à relier, n'est pas à taxer de quelque chose de dégoûtant qu'il ne faut pas montrer, mais au contraire, en l'objectivant et en lui donnant, en le mettant en lumière, ça ne pourra qu'enrichir non seulement le cahier des charges de votre projet, mais aussi montrer à quel point une institution, enfin un groupe de recherche reste vivant au travers de non pas la perpétuation de figures, de pionniers, qui est une figure finalement assez stérile, mais plutôt de modèles encore opérants. Et c'est ce qui m'a semblé assez frappant en écoutant l'ensemble de vos exposés. Et c'est pour ça que ce portrait de groupe, j'ai trouvé à la fois particulièrement contrasté, porteur d'une émotion, comme un tableau, on voit un tableau de peinture, et riche d'enseignements sur la vie savante et la vie scientifique. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir fait cet effort de réagir un peu à chaud, à la fois à partir de vos propres travaux et d'avoir vraiment joué le jeu aussi de réagir à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et à vous écouter, on se rend compte de la démission absolument vertigineuse de notre entreprise. Alors, on en avait déjà conscience, mais je crois que là, c'est encore pire. De la complexité de ce travail de mise en forme biographique et qui nous pousse vers d'autres champs disciplinaires que la sociologie, la psychanalyse, la critique littéraire, etc. Et aussi qui nous pousse à être sans cesse vigilants. Je crois qu'il y a eu beaucoup de mises en garde que vous nous avez données, des sortes de rappel un peu à l'ordre, parce que l'entreprise biographique, elle est pleine de pièges. Nicolas a évoqué le mythe personnel, Jean-Philippe le fantasme charismatique, auquel on peut peut-être céder ou risquer à certains moments de céder. Mais je crois que ce qui est très important, c'est effectivement de resituer ce qu'est notre entreprise. C'est-à-dire que c'est pas faire des biographies pour faire des biographies, et Anne, vous l'avez vraiment très très bien rendu, c'est-à-dire que c'est rendre compte de l'institutionnalisation d'une discipline. C'est vraiment ça, c'est un travail sur notre discipline qui est la sociologie des religions. En tous les cas, c'est vraiment comme ça et je sais que c'est le cas de mes collègues également, c'est pour ça qu'on en est arrivé à faire ce travail sur les biographies. Et je crois que le mot carrière, c'est un mot essentiel au sens même que lui donne la sociologie interactionniste. C'est-à-dire la carrière pour les sociologues comme Mathieu et ceux qui l'ont employé après, c'est toujours le point de rencontre entre les trajectoires individuelles et les opportunités institutionnelles. Et je crois que d'avoir ça en tête, ça peut permettre aussi de guider à la réflexion. Et je crois que la deuxième dimension, et vous l'avez souligné très bien également, c'est au-delà de ces existences, hein, par leur croisement, il y a une œuvre collective qui émerge. Et effectivement, là aussi, c'est, vous avez très bien compris que c'était là aussi une des dimensions qui me guidait. Et en même temps, vous invitez à faire des choses qu'on fait peut-être plus en petit comité, parce qu'on se réunit régulièrement. Et là, il y a la parole est peut-être plus libre, l'émotion aussi, le rapport à la personne biographée et peut-être le rapport personnel pour celles et ceux qui ont un rapport peut-être plus personnel, voire intime avec la personne étudiée, peut-être exprimée. Mais vous invitez, je crois que vous avez raison à le faire, à mettre au jour certaines de ces dimensions et à les objectiver. C'est-à-dire pas les mettre au jour pour effectivement les regarder, mais c'est pour les objectiver et peut-être pour aller plus loin, ce que vous expliquez dans cette dimension émotionnelle, hein, dans ce rapport éventuellement personnel à ces trajectoires, hein, qui me semble tout à fait, effectivement, tout à fait essentiel. Donc un grand merci à tous les trois. Je pense que à moins que vous ayez des choses à échanger entre vous ou que Pierre veuille réagir tout de suite, sinon je vais donner la... Pierre, tu veux... Non. Alors, je vais... On donne la parole à Voilà, oui, j'ai vu le doigt de Daniel se lever en premier. D'abord, je voudrais remercier les trois intervenants parce que j'ai trouvé ces trois interventions extrêmement utiles pour notre propos. Vraiment, je consonne Je consonne tout à fait au remerciement de Céline. Je pense que c'est extrêmement utile de vous avoir entendu de continuer à avancer dans votre travail collectif. Et j'ai une question qui est un peu en double. J'ai été frappée en vous entendant tous les trois évoquer vos propres travaux de recherche de l'absence complète de la dimension du genre. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de femme dans votre affaire. Enfin, tout simplement, elles sont peut-être là, mais elles sont... Elles sont pas présentes. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est, mais ce que je veux dire, c'est que cette dimension n'est pas apparue. En particulier, je pense, la question s'adresse plutôt à Jean-Philippe Bouilloux, parce que je pense que, vu l'échantillon en question, ça ne doit pas surabonder de femmes dans son pays. Ça ne surabonde pas, mais je peux répondre. Or, cette question du genre, elle est extrêmement importante dans la construction collective de sociologie des religions, avec plein de ce phénomène tout à fait intéressant. D'abord, je mets à part le cas de Doris Ben-Simon, qui est un cas tout à fait particulier, qui ne fait pas partie des fondateurs au sens où nous essayons aujourd'hui de le chercher, mais en fait, il y a des femmes au GSR, c'est en gros les techniciennes qui sont aussi, dans un certain nombre de cas, les épouses des chercheurs en question. Avec Isambert, là encore, dans une situation différente, puisque lui a une femme chercheur dont la notoriété scientifique vaut largement la sienne, sinon plus. Ce qui n'est d'ailleurs probablement pas une question indifférente. Donc il y a là une configuration qui d'ailleurs va devenir intéressante, et là je suis absolument au point de large, puisqu'il n'y a aucun recrutement de sociologie des religions de 54 à 74. En 74, on recrute enfin quelqu'un après des gémissements sans fin sur le fait qu'il y a besoin de recruter, et ce quelqu'un est une femme. Que ça joue considérablement dans le type de rapport. Mais ceci renvoie à une autre question en filigrane, c'est aussi les formes de l'investissement professionnel, car je pense que les formes de l'investissement professionnel sont très profondément déterminées par le genre. Très profondément. Et qu'il y a là quelque chose qui joue un rôle redoublé dans le groupe de sociologie des religions, puisque cette communauté d'hommes, si j'ose dire, c'est pas une communauté, ce collectif d'hommes étaient aussi des hommes qui venaient du célibat religieux sacerdotal pour une part, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Donc il y a là une question qui, en tant que telle, à mon avis, mérite d'être posée. Attendez, c'est bon, c'est bon. Non, mais... Je vais répondre brièvement. Je n'aurais pas parlé parce que, mais évidemment, c'est une question. Je vais l'aborder parce que j'attendais les statistiques et mon échantillon était à peu près en fait les statistiques. C'est-à-dire que j'ai 6 femmes, je crois, pour 27 chercheurs, ce qui correspond à peu près aux statistiques générales dans l'âge moyen de cette cohorte-là. Alors, il y a Jacqueline Barus-Michel, Sonia Dayan, Françoise Héritier, Florence Juste des Prairies, mais c'est-à-dire que bon, parce qu'il est très intéressant, grosso modo, c'est que ce qui est intéressant, c'est que pour toutes ces femmes-là, il y a une double conquête, c'est-à-dire qu'il y a uniquement la conquête de la sociologie, la conquête d'un travail, et d'un travail intellectuel. Il y en a un certain nombre, comme Claudine Roche, etc., qui disent que bon, bah, ce qui était prévu, c'est qu'elle soit secrétaire, etc. Donc il y a une ascension, je dirais, de revendication égalitaire de genre, hein, dans le fait d'aller vers une carrière universitaire. Et si on prend le cas de Françoise Héritier, elle raconte comment, pendant longtemps, alors qu'elle était quand même chercheur, déjà, au début, elle était agrégée de l'histoire géo, et elle va devenir chercheur, et en fait, dans les attributions de poste ou dans les attributions de mission à l'étranger, c'est essentiellement sociologie que... Michel Izard. Et en tout cas, elle est au début, elle est ulcérée d'être considérée comme la femme de. Et après, il y a une revendication dont finalement elle est fière, et elle est fière après d'être la deuxième femme qui rentre dans le jeu de France, etc. Donc il y a effectivement un effet de genre, qui est un effet de genre qui est marqué par... alors il y a aussi un ancien Schutzenberger, qui est la dernière dans ma rapport. Un ancien Schutzenberger qui, elle, est née en 1919. Et alors là, c'est la plus ancienne de toute la cohorte, elle est toujours vivante. Et elle a une trajectoire qui est hallucinante parce qu'elle a une trajectoire qui finalement, bon, elle est née à Moscou, elle est russe d'origine, et elle va être sur les influences américaines, donc dans un contexte finalement nord-américain qui est déjà plus en avance sur le travail des femmes, le travail intellectuel des femmes en université, un peu plus, semble-t-il, qu'en France, en tout cas dans les milieux de l'après-guerre, etc. Il y a, d'après ce qu'elle dit, il y a déjà un progressisme qui s'en va. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce paysage qui est un peu contrasté. C'est-à-dire qu'il y a une vraie ascension sociale autour de ça. Il y a un désir autonomique qui est très fort. Oui, juste pour répondre, évidemment, dans le programme PIS Avance, il y a la perspective du genre qui est très importante. On a une membre du programme qui travaille justement sur ce que le genre a fait à l'anthropologie dans les années 30. Marielle Lemaire, par exemple, travaille justement sur cette écriture féminine de l'anthropologie à partir des missions africaines en particulier. Ça, c'est une première perspective. La deuxième perspective, c'est qu'il y a une dimension du programme qui porte justement sur la manière dont la figure de l'anthropologue se transmet de génération en génération, et on travaille notamment sur l'hypothèse de la parentalisation des liens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconnaît un père adoptif, une mère adoptive, etc. Et là, pour le coup, ou des filles spirituelles, comment la question du genre est très essentielle là-dedans. On se rend compte qu'il y a véritablement des formes de reproduction genrée verticale, là, pour le coup, père-fils ça marche très bien, mère-fils ça marche très bien, et les croisés sont plus rares, d'une certaine façon, et ont des effets très différents. Donc il y a ces deux perspectives-là, et puis la troisième perspective un peu plus anecdotique, c'est qu'un des premiers tests que j'ai fait de ce retour de l'œuvre sur la vie a porté justement sur une femme, alors pas sur une anthropologue, mais sur une historienne, toujours vivante aussi, mais très ancienne, très âgée, on va dire, Roland Trempé, qui est née en 1917, enfin, voilà, et ça a fonctionné plutôt pas mal, en vérité, dans son cas de figure. Oui, sur cette question du genre, très rapidement, je voulais dire aussi que la notion, le concept d'œuvre-travail permet justement de mettre au jour, mais au-delà du genre, comment dire, il ne s'agit pas de réhabiliter les petites mains, mais de montrer à quel point les épouses ou les filles, on a parlé... j'ai entendu ce dans les exposés, participer, les exposés de Marie, participer à l'écriture, ou à la réécriture plutôt, ou les Viviane Isambert, et effectivement, participent à cette œuvre tous les jours, dans le quotidien, et font entièrement partie, mais via le travail, via le fait que l'œuvre en tant que travail donne une forme, enfin, façonne aussi les relations et montre à quel point l'œuvre est rarement personnelle, mais collective. Et la seconde chose aussi à dire à propos des femmes, c'était l'œuvre posthume. C'est-à-dire qu'à la mort du savant, ça peut être l'inverse, hein, dans une histoire que là, on a parlé de savant-homme, mais à la mort du savant, tout ce qui concerne la transmission, le legs des bibliothèques, enfin, de la transmission des papiers, des archives, la gestion des fonds d'archives, souvent est remise aux épouses, aux filles, aux enfants. Mais ça fait partie de ce qui reste aussi, et souvent à la personne qui est en charge de ces fonds, continue de vivre, l'œuvre continue de vivre à travers ces fonds. Et d'ailleurs, Monique Lévi-Strauss, elle le dit très bien dans l'introduction aux lettres de son mari à ses chers parents. Elle dit combien dépouiller ses lettres, au moment de dépouiller ses lettres, elle revoit les traits du visage de son mari s'animer et elle revit toutes sortes de moments. Donc, elle dit avec les mots vraiment à quel point cette œuvre au travail était prégnante dans leur vie de couple au quotidien. Et un dernier mot sur cette œuvre, il n'y a pas eu de définition de ce qu'est l'œuvre, au fond, ce matin. Mais parfois on a dit, il n'y a pas vraiment une œuvre. Et en fait, on a voulu dire, est-ce qu'il y a une vraie œuvre, une fausse œuvre, ou c'est pas vraiment. Alors, en fait, c'est le produit de ce travail. Le produit de cette vie savante. Pour moi, la définition de l'œuvre, c'est le produit de cette vie savante. Et il y a l'œuvre en tant qu'une série d'écrits. On a parlé des écrits hétéroclites, hétérogènes des Roches. Mais il y a, et qui va s'opposant à la notion de, il a laissé une théorie. Et très souvent, on, par œuvre, on veut dire une théorie. Et la théorie, souvent, va rester le structuralisme, enfin ce genre de choses, comme ça, des théories avec des marques de fabrique, en quelque sorte. Mais le fait de parler aussi du travail permet de donner une vision un peu plus protéiforme à la notion d'œuvre. Oui, juste parce que là, juste pour étayer un point évoqué qui est la tension entre autobiographie et biographie. Il se trouve que nous avons plusieurs vies, comme vous le savez, et que parallèlement, mais vraiment dans le même temps, je me suis retrouvé à travailler à la fois sur Balandier et sur tout le chantier autobiographique de Balandier, qui vient lui aussi de déposer ses carnets de terrain donc à la Comité nationale, et donc sur des roches en même temps. Donc, et c'est vrai que, juste pour évoquer par exemple la phrase que met en exergue Balandier, qui, je vous rappelle, a dirigé, enfin, a poussé des roches à faire sa thèse d'État, à soutenir sa thèse, tous ces personnages-là se sont croisés, mais dans son roman, tout compte fait, Balandier met en exergue construire sa vie comme un roman. Là, il y a une posture, si vous voulez, une posture vraiment très forte, et c'est vrai qu'on retrouve dans tout le chantier autobiographique de Balandier, et dans ses multiples essais reprises. Il pourrait faire partie de votre corpus. Il est dans mon corpus. C'est l'exemple qui, un premier terrain, terrain, c'est exactement le mien que je prends plus tard, quelques années, donc il y a une belle illustration. Et là, par l'écart significatif par rapport à un des Roches, qui à la limite, il écrit, bon, il y a comme on l'a dit, une multiplicité de polygraphies, de glossographies. Et pour autant, j'évoquais le fameux mystère du journal de l'inculpé, journal en souffrance, impossible à rédiger, il ne pouvait pas lui poser cet acte de bouclage autobiographique. Alors même qu'il a fait un essai, un traité d'autobiographie raisonnée. Parce que chez lui, ce n'est pas spontané l'autobiographie. Dans le domaine de la formation, c'est assez fou. D'un côté, il fait ce traité d'autobiographie raisonnée. Et vous savez, si vous ne savez pas comment faire l'autobiographie, vous pouvez le traiter. Mais par contre, pour lui-même, voilà, je voulais juste signer cet espace d'enjeu, là, très intéressant entre biographie et autobiographie. Je le trouve très pertinent. Oui, mais je voudrais simplement relever au passage toute la dimension psychologique de nos discussions, voire, disons, les dimensions psychopathologiques, qui sont très très nettes pour la plupart. Et n'oublions pas que nos personnages, c'est-à-dire à la fois les biographes que nous formons et les biographes sur lesquels nous travaillons, sont complètement dépendants d'une culture qui est celle de la psychologie et de la psychanalyse. Pour certains, d'ailleurs, ils en ont fait la rencontre. Donc c'est vrai que c'est un élément qui intervient dans notre construction de l'objet. Le fait qu'il puisse y avoir un espace de réflexion sur soi-même qui permette d'éclairer, entre autres amis, toute la dimension créatrice. C'est-à-dire qu'on est l'auteur de son œuvre. Oui. Pardon. Pierre, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Ce qu'on a fait, en fait. Bon, bah donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer la parole à Daniel. Oui. On reste dans la configuration. Bah, Daniel, est-ce que tu veux venir? Non. Comme tu veux. Hein. Bon, tâche impossible. Non, impossible parce que, outre les échanges, la table ronde qui vient d'un lieu et la discussion qu'elle a suscité m'a coupé un peu l'herbe sous les pieds. Hein. Il y avait deux ou trois thèmes là, dont la présence insistante ou l'absence criante m'avait évidemment sollicité. Mais je vous livre comme ça quelques réflexions discontinues que je vais essayer d'organiser. Oui, un point de vue général sur les présentations qui ont été faites, j'ai été très frappé par la présence, qui n'est pas étonnante d'ailleurs, dans les récits proposés et les mises en situation de chacun des acteurs de la métaphore spatiale. Il y a le centre, les marges, les périphéries qui intéressaient aussi bien les positions institutionnelles que les choix d'objets, sans qu'il y ait corrélation systématique entre ces positions institutionnelles et ces choix d'objets. Mais enfin, on a bien vu apparaître des personnages centraux qui, bon, je pense à Lebras, mais aussi à Lisander, aussi de sa façon, qui organisaient à certains moments le champ ou une portion du champ, et puis d'autres figures qui se posaient beaucoup plus à distance, avec des parcours plus erratique, ou en tout cas plus singulier. Bon, je pense à Séguy, je pense à Véroche aussi. Mais la dissonance, ou en tout cas la non-corrélation entre position institutionnelle et champ d'objet serait intéressante à creuser. Après, pour Lebras, par exemple, Yann le notait tout à l'heure, cette affaire de la paroisse rurale, hein, qui est le sujet de un livre posthume qui est tout à fait intéressant, extraordinairement conservateur. Ben, alors que le personnage, par ailleurs, a eu des positions à divers moments qui ne l'étaient pas. Je dirais un côté un peu rituel, quoi, hein, de la thématique, alors même qu'il occupe une position carrefour et qu'il s'est joué merveilleusement du rassemblement en lui de diverses disciplines, des une très longue histoire, et les autres qui sont en train de s'inventer. Là, c'est un coup là, formidable sur la scène universitaire. Alors, ma deuxième remarque tient au fait que, effectivement, cette métaphore spatiale tient à la synchronie générationnelle. C'est-à-dire, on a, même si on distingue les plus âgés et les moins âgés, mais enfin, nous sommes dans une portion d'histoire qui est commune, et ils se sont tous croisés, ils ont tous eu des relations, et ces relations peuvent rassembler des gens qui sont strictement contemporains, ou bien des aînés et des cadets. Alors, cette contemporanéité fait qu'il y a entre eux ce qu'on pourrait appeler un partage d'histoire. Et il y a là-dedans quelque chose qui, évidemment, consonne entre ces vies. Vous savez, c'est un problème que se sont posés, dont j'avais écrit un texte là-dessus, des militants, dont Philippe Lejeune fut en France un exemplaire très remarquable, qui ont construit des archives autobiographiques. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel à la fois aux scripteurs directs ou aux descendants, hein, qui avaient des carnets du grand-père, en fait, etc. Et s'est posé évidemment tout de suite le problème de la classification de ces archives autobiographiques. Et je trouve que c'est un problème très intéressant, parce que en réalité, à l'intérieur de ce monde qui comporte parfois plusieurs milliers d'individus, on voit se construire des groupes qui se définissent essentiellement par des phénomènes de partage d'histoire. Alors, cette histoire peut être la grande histoire, hein, comme disait Georges Perec, hein, l'histoire avec sa grande hache, et nos collègues italiens ont produit un outil descriptif utile en ce domaine, ce qu'ils appellent les événements séparateurs, c'est-à-dire les biographies, d'une certaine manière, dialoguent entre elles et se correspondent, en tout cas deviennent très précisément comparables, par exemple, du point de vue de l'engagement dans le fascisme, alors je parle des cas italiens, la participation à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, etc. C'est-à-dire que vous avez des sortes de synchronies qui saisissent les histoires particulières dans le prisme de l'histoire commune. Et ça, c'est évidemment très fort. Je remarque, alors dans les cas que nous avons entendus, il y a les engagements, évidemment, au cours de la Seconde Guerre mondiale, la question de la résistance. Alors j'aurais envie de poser d'autres questions. Y a-t-il des événements synchronisateurs, par exemple, comme mai 68? Alors là, j'ai l'impression que non. Donc ce serait intéressant de savoir pourquoi. C'est-à-dire à quel moment de leur situation personnelle, mai 68 ne correspondait pas. Mais en même temps, j'ai le sentiment que ça n'est pas non plus unanime. Et d'ailleurs, l'engagement des professeurs actifs, l'engagement au sens négatif ou positif d'ailleurs, en mai 68 est un discriminant très fort, semble-t-il, dans la génération des professeurs. Et Daniel, qui vient de partir, me disait que Jean Segui avait été très intéressé, tout en désapprouvant, avait été très intéressé par mai 68, alors même qu'on le décrivait en clos dans sa tour d'ivoire. Donc, l'histoire, la grande hache, les événements séparateurs vécus en commun, mais aussi l'histoire qui est un lieu d'accouchement, de reconfiguration des collectifs et de solidarité nouvelle. Alors là, il me semble que dans un certain nombre d'exemples qui ont été présentés, les deux aspects, histoire séparatrice, histoire reconfiguratrice, qui se complètent d'ailleurs, hein, qui vont ensemble, sont fortement représentés autour de la question de la vocation religieuse. Je suis frappé, évidemment, que la majorité de ces sociologues des religions ont traversé des crises où, en quelque façon, les crises du catholicisme trouvent écho dans des existences privées. Existences privées qui en sortent, d'ailleurs, bouleversées. La sortie personnelle d'un engagement vocationnel, la sortie de l'Ecclésia en ce qu'elle avait de fondateur, enfin d'une communauté, est une sortie à la fois douloureuse et c'est une sortie qui produit des silences. Alors ça m'a évidemment beaucoup frappé et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et qui fait naître le désir de réinventer des collectifs. Alors Daniel disait, ce ne sont pas des communautés. Oui, mais ça a pu être des communautés imaginées. Et ces communautés imaginées sont des communautés de travail. C'est-à-dire créer le milieu dans lequel on souhaite travailler. Et le premier de ces milieux, c'est le milieu domestique. Alors on a parlé de la dimension genrée, de l'engagement largement la vocation en fait scientifique. Je trouve, oui, bien sûr, mais je trouve qu'il faudrait aussi poser la question, mais ça a été fait par Angolino d'ailleurs à l'instant, au niveau de l'ordre domestique lui-même, c'est-à-dire l'espace du couple. Hein, alors, il y a beaucoup de couples dans les sciences sociales au XXe siècle. Alors, il y en a très peu qui s'affirment comme directement collaborateurs. C'est nous qui le savons, ou bien ce sont les remerciements en tête de volume, ou quelqu'un d'autre en bas de page, etc. Et il y a là, me semble-t-il, hein, une unité, en tout cas une complémentarité, un noyau social d'exercice du travail qui est... à mon sens essentiel. Alors ça peut être un couple de chercheurs, ça peut être une forme de complémentarité, hein, Henri et Simone Desroches, enfin elle l'artiste et lui le savant, mais un savant qui ne rêve que d'être un artiste, et elle qui se transforme en gardienne du temple des productions du savant. Donc la question des couples, la question plus générale, là je ne reviens pas, hein, du masculin-féminin. J'ajouterai, ça n'est plus aujourd'hui tabou, que la question de la sexualité peut aussi être directement introduite. Par exemple, bon, François, qui est là devant moi, travaille sur un couple homosexuel, d'homosexuels, en fait, de femmes, qui ont fondé les non-psychologies de la France, et leur relation de couple a un effet très, très fort, enfin, que l'on peut analyser sur la manière dont cette instauration s'est déroulée. Nicolas, tu citais Trempé, rappelle-moi le poème. Roland, que j'ai eu pour prof. Hein. Et... Bref, d'assistant, en fait. Mais elle, c'était... elle avait fait son outing, alors c'était une précurseur, pas Hollande. Et ça joue un grand rôle, hein, y compris dans son rapport d'affirmation à l'égard de ses collègues masculins, etc. On sait que cette affaire-là, l'occasion d'échanges informels, mais qui me donne vraiment envie d'une enquête, c'est que dans le milieu des conservateurs de la muséologie, contemporaine parisienne, c'est une dimension absolument essentielle, hein, dans la constitution d'affinités qui sont des affinités professionnelles et qui ont des effets créatifs, enfin, incontestables. Alors, autre idée, ces sociologues, bon, ils expliquent, ils interprètent, ils explicitent cette situation d'interrogation devant l'évolution du monde catholique. Après, il faudrait s'interroger sur catholiques et protestants dans ce domaine. Là, je suis évidemment moins affecté. Puis, il n'en a pas été tellement question. On a beaucoup parlé du catholicisme, enfin, au moins un catholicisme d'horizon, un catholicisme d'humus personnel. Et ça, ce serait intéressant de voir, surtout, bon, j'ai travaillé pour ma part sur une question lancinante, c'est le rôle des juifs en rupture de synagogue dans la fondation des sciences sociales à l'échelle européenne, question qui n'est plus tabou, non plus, hein, sur laquelle, bon, à partir de Lévi-Strauss, enfin, j'ai commencé à explorer ça, et donc, bon, on voit bien que c'est un sujet important et il y a des découvertes encore à faire. Hein. Le fermot n'a pas encore été dit. Et donc, je m'intéresse effectivement à cette relation si particulière entre l'univers religieux et l'univers de connaissance. Bien, mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'arrêter, c'est plutôt sur les deux scènes. De reconnaissance, d'affirmation et de reconnaissance de ces savants qui sont la parole et l'écriture. Alors, évidemment, traverser les archives, on a tendance à donner à l'écriture une place majeure, forcément. La question de la parole a été abordée de façon très intéressante, je dirais, dans le contraste extrême entre Desroches et Isambert. Et à mon avis, il y a là quelque chose à creuser, avec en particulier ce basculement qui est celui-là même de cette génération, de la parole cathédrale, de la parole du professeur, le professeur de Sorbonne, devant son amphithéâtre, qui est annoncé par l'appariteur, hein, qui rentre solennellement, et la parole du séminaire. La parole du séminaire, et dont on retrouve la vieille tension entre Sorbonne et École pratique, modèle rhétorique, enfin, scène rhétorique à la française et scène dialogique à l'allemande, puisque c'était ça le modèle de la rénovation des sciences à partir du Second Empire. Alors, on a vu des choses hein, sur la parole, mais moins que sur l'écriture. Alors, l'écriture, c'est tout à fait fascinant, parce que plusieurs de ces acteurs fondateurs de la sociologie de religion sont des écrivains intensifs, dont un des instruments, mais alors c'est un instrument qu'ils élaborent, qu'ils travaillent, qu'ils intègrent, qu'ils s'incorporent et qu'ils réinventent, est le journal. Et le journal. Et le journal, c'est quoi? C'est essayer de conduire, et c'est un peu le fil de ma réflexion, c'est essayer de conduire, de travailler à une œuvre, enfin une œuvre là, prise dans un sens très matériel, hein, des opérations. Et en même temps, le journal, c'est un lieu de création de soi. Et là, pour le coup, les savants dont il est question ne se différencient pas du monde des créateurs par l'écriture que sont les écrivains. Au fond, toute l'histoire de la littérature depuis les années 1830, en fait, j'ai des précurseurs, hein, on peut même dire 1800, c'est bien celle-là. C'est le fait que créer, c'est à la fois produire des résultats d'un travail, que l'on appellera œuvre, mais c'est en même temps se produire comme créateur. Alors Bourdieu posait de façon très provocante toujours cette question, mais qui crée le créateur, hein, sous-entendu, des processus sociologiques identifiables, mais masqués, qu'on refoule, etc. Mais il faut savoir que le créateur se crée lui-même, bah, c'est-à-dire qu'il y a une forte conscience ou semi-conscience d'être en train de se produire tout en travaillant. Autrement dit, le travail n'est pas a priori détaché de soi, il est d'une certaine manière une façon de se connaître et surtout de se construire. Et donc on a cette métaphore qu'aimait Valérie de la poétique, ben, hein, avec, où il restituait à l'étymologie du faire, poien grec, toute son ampleur. Et pensez que Valérie, lui, il est carrément passé de l'œuvre au journal, ben, il a passé toute sa vie à écrire ce qui était une forme, au fond, hein, les carnets de Valérie sont une forme extraordinairement travailler et personnaliser aussi du journal. Alors, dans cette, toujours en suivant ce fil, bon, il y a le journal, il y a l'expérience aussi qui est revenue pour Desroches, alors Séville, on n'est pas très loin non plus, et qui ne nous étonne pas, hein, dans Séville, qui ont d'abord été, pour certaines d'entre elles, fortement marquées par la question de la vocation religieuse. Il y a la place de moments qu'on pourrait appeler le moment d'illumination. Moment d'illumination, alors c'est quoi? Ben, c'est le moment de la révélation de soi, mais de la révélation de soi comme sujet de la connaissance et comme sujet connaissant. C'est le cas de alors Desroches, là, évidemment, c'est un exemple tout à fait extraordinaire de ce point de vue. Alors, vous allez me dire, ça n'est pas une nouveauté de la modernité, ça. Bon, la nuit du mémorial de Pascal, la nuit des rêves de Descartes, sauf que le mémorial de Pascal et le manuscrit, le petit manuscrit où Descartes avait noté ses rêves du 1er novembre, ben, c'était des choses très secrètes, ben, bon, cousues sur le corps, ben, de Pascal, etc., et camouflées dans le minuscule manuscrit pour Descartes. Là, la question de l'illumination, elle est entre le cacher, le révéler, le réinterroger. Hein, il y a un retour constant là-dessus. Et le secret est l'avoué. Et dans le cas de Ségui, il y a des choses à explorer. D'ailleurs, je note que Ségui rédigeait un journal dont Daniel n'a pas parlé du tout. Il est énorme, mais justement, c'était ça le problème. Bon, ensuite, le troisième, enfin, toujours dans ce chapitre, la posture du savant, création, production, autocréation, mais là, vous l'avez dit, c'est la question de la hantise de l'œuvre. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que il ne faut pas se poser l'œuvre comme une sorte d'idole surplombante et que, au fond, pour décrire la vie savante, le travail est un instrument à la fois plus modeste et plus efficace, mais en même temps, l'hantise de l'œuvre, elle est bien présente chez le savant, mais aussi chez ses descendants. C'est-à-dire la question de la descendants, c'est-à-dire la question de la lignée est fondamentale. Alors lignée descendante forcément, mais qui induit plusieurs savants à se construire des généalogies. Mais on voit ça chez les écrivains. Hein. Vous avez Michel Béris, tellement heureux de se retrouver un grand-père déporté avec les révoltés du 2 décembre. Ben, hein, c'est pas le seul. Bon, je cite Béris, bon, il y a le travail récent de Louis Anker dessus, ben, qui a soutenu une habilitation très, très récemment, et c'est assez fascinant. Et donc, la question de la conservation, je dirais, de l'œuvre et de l'archivage me paraît tout à fait centrale, parce que là, on a eu quand même des cas d'archivage tout à fait singuliers et exceptionnels. Saisis, je dirais, dans l'état, ou quasiment dans l'état, dans lequel le savant les a produits. Et en soi, il me semble qu'il y a là un objet fascinant, mais un objet qui pose une question qui n'est pas simplement pratique et qu'on pourrait résumer en détournant une expression fameuse, l'embarras des richesses. L'embarras des richesses, c'est-à-dire le flot archivistique qui a deux effets. Un effet d'intimidation qui fait que on peut se réfugier devant cette situation dans ce qu'on peut appeler une histoire des idées informée, élaborée, l'histoire des sciences, si vous voulez, l'histoire de la science, de la sociologie, des religions. On peut se réfugier là-dedans. Et donc résister à ce flot archivistique. En même temps, ce flot archivistique a un effet très, très particulier et en cela, il est fascinant, un effet que les descendants, qu'ils soient familiaux ou qu'ils soient des disciples, et s'en va en bien conscience, c'est qu'il garantit une sorte de vie perpétuée, de vie posthume perpétuée. Et ça, ce qui est la caractéristique d'une œuvre. Parce que l'œuvre, c'est une théorie, mais l'œuvre, au sens plein du terme, l'œuvre pour un écrivain, c'est une continuation infinie. Dans la mesure où on annexe à l'œuvre, regardez, prenez une édition de Rimbaud par Antoine Adam en 1954 dans la Pléiade, et prenez la toute dernière, bon, Rimbaud qui a écrit 5 ans, en réalité il n'en finit pas de publier. Parce qu'on découvre sans cesse des éléments qui se rattachent, et donc construire la figure du savant, c'est d'assurer une sorte de moisson infinie, hein, de bistrophes. Ben, ce que fait Monique là, en ce moment, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, bon, alors elle le fait en partie avec des choses qu'il avait préparées lui-même. Et elle y fait rentrer, hein, toute une... Alors on peut dire, ouais, c'est une opération comme ça. Vous allez voir Foucault. La Pléiade vient de sortir, c'est simplement les œuvres publiées. Et, autrement dit, si vous allez chez vous, bon, c'est plus commode parce qu'il y a deux volumes de la Pléiade. Mais vous allez voir. Bon, il y a eu les cours au collège, mais il y a le journal, il y a les deux versions des œuvres de la chair. En fait, il y en a pour 50 ans. Et la correspondance. Il y en a pour ça encore. Hein, et la correspondance. Publié, et donc, il y a cette idée d'un corps qui n'arrête pas de croître, même après la mort, alors même que nous sommes entrés dans le temps de la disparition instantanée des archives. Par le fait même de l'utilisation de l'outil numérique, qui angoisse évidemment en particulier les archivistes qui s'occupent d'archives littéraires, hein, au point qu'ils font des contrats avec les écrivains pour que les écrivains leur livrent leur disque dur, pour pouvoir récupérer dans le disque dur les traces, les brouillons, les repentirs, etc., toutes les traces du processus créateur. En fait, c'est la logique des deux corps du roi. Hein, vous avez une vie biographique qui a le début et qui a le fin, et puis vous avez le grand corps qui est le grand corps de la science, de l'art, de la littérature, qui lui, effectivement, enchaîne non seulement une lignée qui se perpétue, mais aussi une capacité de revitalisation qui n'est jamais éteinte, qui n'entre jamais dans la mort. Voilà, hein, qui n'entre jamais dans la mort. Alors. Et ça, c'est d'autant plus fort pour nos disciplines, qui, de ce point de vue, évidemment, se rapprochent de la littérature. Bon, par exemple, pour les biologistes, le système de la science, c'est l'obsolescence rapide. Vous savez, les poubelles des universités scientifiques, moi j'ai enseigné dans les universités scientifiques, sont pleines de ce qui est dépassé. On jette des collections de revues, des vieilles thèses, enfin. Ça n'intéresse les historiens en général qu'au bout d'un certain temps, mais ça n'est pas la science d'hier qui peut intéresser les historiens, et les chercheurs eux-mêmes, ils vident, ils font de la place, enfin, ils ont besoin de place, il faut loger des gens dans des bureaux, etc., on vide les armoires. Dans nos disciplines, et on le voit bien quand on lit un peu... à peu près avec ce regard, nos revues. On n'est pas là pour faire la chronique de la dernière invention ou du dernier pas en sociologie, en anthropologie, etc. C'est-à-dire chaque texte, chaque résultat du travail est on ne cesse de revisiter, de retravailler et de donner une forme très fortement personnelle, enfin pour les meilleurs, des questions qui parfois sont des questions très anciennes, qu'on ne renouvelle pas nécessairement de façon radicale. Mon dernier point, hein, c'est ce qui a été évoqué, c'est-à-dire le rapport du biographe et de son sujet. Alors là, il y a des choses très intéressantes là-dessus, il y a des choses très intéressantes. Henry James... Antonia Bayat, le roman du biographe, tout ça est très intéressant. En fait, travailler à la biographie, c'est, me semble-t-il, la chose la plus proche du travail ethnographique. Même si vous n'avez pas connu votre bonhomme, il suffit de vous plonger dans les archives. Arlette Farge a dit tout ce qu'il fallait dire sur le caractère extraordinairement vivant, enfin, la dimension de résurrection quasi hystérique pour Michelet, par exemple, hein, la danse calvanique des archives. Disait Michelet, mais Arlette a dit des choses qu'il avait lues, bien sûr, dans le bout de l'archive. Mais comme ethnographe, on doit nécessairement, je dirais, et de fait, on ne manque pas de le faire, combiner, faire alterner deux postures, deux principes. Alors, j'en trouve la définition non dans les manuels d'anthropologie, mais dans des lectures tout autres. Le premier de ces principes, c'est le principe de cruauté que définit de façon tellement géniale le philosophe Clément Rosset. Il a fait un petit livre dont le titre est « Le principe de cruauté ». Le principe de cruauté, c'est la construction de la distance. C'est la construction de la distance. Alors, c'est une distance qui s'appuie sur des mises en situation, des mises en contexte, et en même temps, qui a quelque chose de démystifiant. Alors, certains biographes se sont fait un peu une spécialité de ça. Il y avait l'insupportable, mais quand même, qui vous raconte des choses, hein, Guillaumin. Guillaumin faisait ça pour les écrivains. Enfin, il a sorti quelques dossiers quand même sur Chateaubriand, Hugo, qui sont. Mais c'est ce qu'avait fait Picard sur Racine, ben, en montrant que c'était un horrible arriviste qui a crasé absolument tout le monde. Et malheureusement, il s'est opposé à Barthes, mais sur un malentendu. Mais sa manière de biographier Racine est très intéressante. Là, on a le principe de cruauté. Et c'est le principe de cruauté, d'ailleurs, qui fait les très grands romanciers de leur propre milieu. Hein, c'est Rondeau à Guéret. Et c'est le principe de cruauté qui lui permet d'atteindre un savoir sur le milieu même dont il est le plus proche et dont il est issu. Et puis, simultanément, avec la même force, vous avez, alors là, pour employer plutôt le mot de Baudelaire, un principe de compassion, mais compassion dans le sens de participation très, très directe, avec même un levier d'identification qui permet d'approcher comme de l'intérieur, c'est ça la biographie, hein, comme de l'intérieur, une situation que nous n'avons pas vécue, mais que nous avons toutes les capacités pour, en quelque façon, la vivre. Basta. Voilà. Oui, bon, donc la nuit est tombée. Alors, ce que je voulais simplement annoncer, c'est que, en fait, tous les exposés, à la fois synthétiques ou analytiques, servent à la suite. Alors, quelques mots de la suite. Tout ce qu'on vient de dire, et encore à l'instant, c'est tout chaud avec les femmes. Le rapport à la parole, le rapport à l'écrit, la notion d'œuvre, l'expérience, les deux corps de l'œuvre, etc., sont de nature à alimenter notre travail de portrait de groupe. Vous avez vu qu'on a constitué une équipe. Et on vous propose de nous revoir quand on aura avancé en début d'année. Alors là, du coup, plutôt côté écriture, pour en reparler côté parole avec vous le 1er juin de 15h à 19h, rue Michel Pain. Ça sera un peu plus proche pour la mobilité. Voilà. Donc ça, c'est la première date. La seconde, c'est le 4 mai, dans la même formation, de séminaire, on fera une séance, on tiendra une séance sur les relations entre Roger Bastide et Henri Desroches. C'est donc le 4 mai de 15h à 19h que Stéphanie Capone et André Marie organiseront pour nous ce parallèle. Et puis alors, dans une perspective sans doute un peu plus lointaine, tout ce qu'on a dit en termes de thématiques, à mon sens, nécessite la construction patiente, mais résolue peut-être d'un séminaire autour de ce qu'on pourrait appeler cette sorte de nouvelle sociologie ou histoire sociologique de la sociologie, avec bien sûr l'entrée religieuse qui, par elle-même, est un, à mon sens, a été vérifié aujourd'hui, un bon vecteur d'échange avec les autres thématiques de la discipline. Alors, il y a un certain nombre de miracles, comme l'existence encore aujourd'hui de notre réunion d'histoire sur le groupe de sociologie des religions, qui mérite, je pense, malgré tout, d'être exploré. On a beaucoup parlé de l'après-guerre, mais il y a une sorte d'évolution, de continuité, plus ou moins chaotique, qui mérite, je crois aussi, de nous y pencher et de comprendre en même temps ce qui s'est passé de l'après-guerre à aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup d'être venu et rendez-vous à ces prochaines échéances. Merci. Merci.